Merci hein, pour cette soirée. Attends, et bien mouvementée. Hein. Franchement. Faudra qu'on reprenne des nouvelles quand même, du couple, là, du trio maléfique, ou je ne sais pas comment les appeler eux. Cassie, maintenant, je pense que vous allez les appeler séparément. Sans déconner, on appellera séparément. Mais tout va bien, on a tous les numéros maintenant. Ouais. Demain, on reprendra des nouvelles de Steve qu'on aura à l'antenne pour savoir comment ça s'est passé justement après. Il est célibataire maintenant. Hein. Ah bah oui, je pense. Ou peut-être qu'il y aura Cassie, je ne sais pas. Je ne crois pas. On verra. Rendez-vous dès demain sur France Radio. Pour l'instant, il y a Mickaël. Soyez là, ouais. Oui. Lundi, 20h. Bonsoir, Mickaël. Hello. Oui, Salut Mickaël. J'ai dit lundi 20h, c'est demain. Alors qu'on revient demain, jeudi. Ouais, mais tu sais, depuis qu'il a une nouvelle vie et qu'il se fait des petites semaines de 2 jours, il est un peu perturbé. Voilà. C'est vrai, c'est nouveau, cette semaine de 4 jours. Là, c'est long. Hein, mais oui, mais c'est plaisant. Parce que la semaine dernière, je rappelle que Posca était aux toilettes. Ah bah, à cette époque-là, oui, tu pouvais m'appeler Posca. Je te cache pas. Ouais. C'était même pas du caca d'ailleurs, c'était du vomi. C'était du vomito. Exactement, oui. Ah oui, non, mais c'est horrible. Bon, mais le principal, c'est que ça aille mieux. Ah, mais là, je suis en pleine forme. Bon, bah, tant mieux, parfait. Bon, bah, bonne soirée à vous, alors. Eh bien, amusez-vous bien, les amis. Salut. Et est-ce que le doc peut passer chez JB cette nuit, comme je vois qu'il a bien se lever tôt? Ah oui, bien sûr. Vers 5h30, non? Ouais, 5h moins le quart, même. Ah bah, parfait. T'as Mickaël, très bien. Oui. Mickaël, je voulais juste te poser une question, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a fait un sondage sur les nationalités qui étaient les meilleurs coups, et les Belges sont derniers, t'en penses quoi? Bah, je m'en fous, je suis portugais. Eh ben les Portugais sont même pas dans le classement. Ouais, mais c'est normal, ils sont tellement au-delà. Ils sont tellement au-delà. Et puis en même temps, c'est un sondage qui a été fait où? Oui, mais les meilleurs, c'est les Brésiliens. Ils parlent portugais, c'est pareil. Ah, double. Ouais, mais ils ont un accent de merde. On les embrasse. Sinon. Voilà. Allez, bonne soirée. Moi pas. Salut, ciao. Bisous. Salut, ciao. On est parti jusqu'à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben, on se retrouve comme tous les soirs sur Fun Radio, hein, du lundi au jeudi, 23h, 2h du matin. Le dimanche également, de 20h à minuit. N'oubliez pas de le dire autour de vous, évidemment, pour faire grandir cette grande famille qui devient de plus en plus nombreuse d'ailleurs, la famille Mickaël No Limit. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et ça tombe bien, c'est ici que ça se passe, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Est-ce que t'as déjà prévenu tes potes, Adrien, toi, qui avait un truc à écouter le soir à la radio? Ouais, j'avais prévenu pas mal, surtout ce soir. Ah, oui, bah forcément, tu passes, évidemment, ouais, très bien. Ouais. Bon, et Célia, elle a prévenu ses potes aussi qu'elle passe à la radio? Tout à fait, nickel. Ah, comment vas-tu, Célia? Nickel, et vous, équipe? Tu m'en veux pas, Adrien, si je fais d'abord passer une fille, hein? Bah, bien sûr que non, la galanterie. Eh, bah, non, c'est surtout qu'elle a une plus belle voix que toi, en fait. Ah, ça, j'avoue. En toute simplicité, quoi. C'est vrai. Bon, pour passer à l'antenne, comme justement Adrien et Célia qui sont avec nous, là, eh bien, il suffit d'appeler le 01 42 48 5000, le 02 851 4x0 depuis la Belgique, et on parle de ce que vous voulez, comme dans quelques minutes avec Adrien et avec Célia. Il y aura Sandro également qui sera là, qui est d'ailleurs au standard, hein, donc si vous voulez l'appeler, vous tomberez sur elle en premier. Oui. Voilà, très bien. Sandro qui est là, Toff qui est venu également avec des potes. Je vais couper la tête avec mon pénis, ok? Voilà. Vous tomberez sur des nains. Voilà, des nouveaux appels que nous ferons tout à l'heure, bien entendu. Avec et de plaisir. Nouveaux amis, j'espère que notre bah, bah, écoute. Aura-t-il les couilles, puisque je rappelle que hier on s'est... en Corse, hein, on a dit. Ah bah justement, c'est ce que je voulais savoir. Il y a plein d'auditeurs qui demandaient pourquoi tu nous es plus appelé en Corse. Bah écoute, j'ai cherché dans tous les numéros que j'ai reçus des Corses. Très bien, bon, si vous en avez d'autres des numéros, bah envoyez-les, hein. Toph@funradio.fr. Polo également avec le pipeau, bien entendu. Comme chaque soir, ce pipeau qui siffle, qui siffle, qui siffle, et malgré tout, rien. Rien du tout. Rien du tout, c'est un truc de... Bah, peut-être avec Célia, on verra bien. Peut-être il y aura je sais pas moi, un petit éclair comme ça qui va passer, on ne sait jamais. On jouera également à ce magnifique jeu qui est le... Je t'emmerde. Eh oui. Et je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde tout simplement, ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio et puis on se refera aussi une partie de notre nouveau jeu. Est-ce que vous étiez avec nous hier soir, Adrien et Célia, là, vous écoutiez l'émission ou pas? Bon. Ouais, on écoutait, moi j'écoutais. Ouais, vous avez entendu cette nouvelle, ce nouveau jeu qui a été improvisé totalement, le karaopé. Exactement. Exactement, c'est celui-là, oui, avec Daft Punk, entre autres, dans les karaopés, voilà. Et Claude François aussi, effectivement, ouais. Donc le karaopé, c'est simple, on vous met des chansons et on met le rythme en version P. Voilà, c'est ça. Donc, je peux pas mettre d'extrait parce que notre prod a enlevé les anciens, il a mis que les nouveaux. Donc du coup, si je vous mets un extrait des nouveaux, ça va foutre dans la merde. Donc voilà, je peux pas vous mettre d'extrait malheureusement. Donc si vous voulez jouer avec nous, que ce soit au Je t'emmerde, que ce soit au karaopé, appelez-nous donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ce soir, on aura aussi évidemment le son d'Avicii. Je vous le carré tout à l'heure, Avicii avec Addicted to You. Il y aura aussi Lady Gaga. Et je vous calerai aussi le nouveau Fatboy Slim Hit Sleep Rave Repeat sur Fun Radio. Si vous avez envie de, d'écouter un son en particulier ce soir, n'hésitez pas. Alors ce soir c'est open bar puisque notre ami Pascal de la Prog s'est trompé, il m'a donné la prog d'hier. Donc ce soir on improvise, hein, on verra ah, bien. Ah bah bravo. Bah voilà, t'as envie d'écouter un truc, Célia, ou pas toi? Bah ce que vous voulez. Bah bon, écoute, c'est très bien. Et toi Adrien, un titre en particulier que t'as envie d'écouter? Ah oh, c'est Célia et voudra, ça marche. De quel? Que Célia voudra. Ah bah, et comme elle a dit que je pouvais choisir, bah c'est parfait. Bah très bien, comme ça au moins on va pas se prendre la tête ce soir. On met que Happy toute la soirée. Voilà, on va se mettre à le son de Pharrell Williams avec Happy, tiens pourquoi pas. Bon bah si vous voulez choisir des sons, bah profitez-en encore plus que d'habitude. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et vous pouvez donc évidemment eh bah, réagir avec ce hashtag sur le Twitter, sur le Facebook également. Et puis on fera également le top tweetos. Celui qui sera numéro 4 ce soir avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu, voilà, on fera le top 5 à la fin de l'émission et on compte sur tous vos tweets bien entendu. Hier on était numéro 1 en ouais. France avec le top tweet hein. on est tapé Mickaël tout en haut, donc merci beaucoup. Bah, continuez ce soir, on remet le couvert évidemment et puis on aura la colle également, la colle avec Dina qui est avec nous. Salut Dina, restez là hein, Adrien et Célia, bougez pas hein. Bon, Dina qui appelle de Rouen là, comment ça va ma belle? Très bien, tant mieux. Bon, Dina, on va jouer pour gagner un netbook maintenant. Ça peut être pas mal, ça, un petit netbook. Ah ouais, je veux bien. Bah, j'imagine. Bon, alors, Dina de Rouen, on y va, fais péter la colle. Et je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas tout à l'heure vers minuit, c'est toi qui gagne. Dina, fais péter la colle. Deux anneaux, deux coteaux et au milieu un clou qui swish. Attends, répète, Dina. Deux anneaux, ouais. Deux coteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Tu es portugais peut-être, non? De quoi? Tu es un petit peu portugais, non? Non. Non? Ah d'accord, mais c'est quoi cet accent alors? Il sort d'où là? Bah je vais pas le dire parce que sinon la devinette elle est pas bonne après. Ah bon? Ah non. On peut pas savoir de quelle origine est ce petit accent? Ah non, tout à l'heure peut-être. Quand donc il y a un rapport avec la devinette. Merde, il y a le boss qui est là, oh là là. Bon, bah écoute, alors très bien, alors je répète, deux anneaux, deux couteaux et un clou au milieu, qui suis-je? Bon, bah si vous avez la bonne réponse, eh bah, vous envoyez Mickaël maintenant par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, je vous mets la colle dans 2-3 minutes sur le Facebook de l'émission, sur facebook.com/Mickaël officiel. Avant minuit, on donne la réponse, Dina, d'accord? Ok, pas de soucis. Allez, bouge pas de là, Dina. Allez-y, hein, bonne chance pour la réponse. On te récupérera plusieurs fois, Dina, avant la fin de l'émission pour répéter la colle. Et puis attention, alors on n'écoutera pas ce soir, mais bonne nouvelle quand même. My friend. Eh oui, ça y est, la Maison Blanche va devoir donner son avis sur l'affaire Justin Bieber. Ouais. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vous en parle depuis deux jours hein, de cette pétition sur le site de la Maison Blanche pour que Justin Bieber soit expulsé des États-Unis. Alors il fallait 100 000 signatures, on a démarré il y a deux jours à 60 000, on est passé à 73 000 hier. Et puis alors grâce à nous, nous sommes arrivés à 110 000. Et donc Barack Obama va devoir donc maintenant prendre une décision. Va-t-il expulser Justin Bieber ou pas vers le Canada? Ben, on ne sait pas, donc selon les maîtres du Feng Shui, l'année du cheval donc qui commence le 31 janvier, annonce difficile. Selon eux, il devrait faire face à des courants négatifs. Voilà, ah, on parlera du nouvel an chinois, mais dimanche, bien entendu, le 31 janvier. Ouais, et sinon, la pétition vient d'arriver à 130 000, wow. Donc apparemment, les Américains veulent se débarrasser de Justin Bieber. Est-ce que tu voudrais qu'on vire Justin Bieber, Célia? Ouais. Toi, ouais. Tu veux qu'on vire Justin Bieber. Dina, est-ce que tu voudrais qu'on vire Justin Bieber? Écoutez, punaise, il est sûr. D'accord. Je suis pas trop fan. D'accord, et Adrien? Oh bah carrément ouais. Eh bah bon Toff, tu peux mettre 3 pétitions de plus. Allez, je les remplis. Hop, 3 pétitions de plus pour Adrien, Célia et Dina. Bon bah c'est parfait comme ça, impeccable. Et bah ouais. Vous pouvez évidemment continuer à aller signer cette pétition sur le Facebook de l'émission. Je vous avais mis le post donc il y a 2 jours maintenant, facebook.com/Mickaël officiel. Bon et puis la bonne nouvelle aussi c'est qu'on est au cœur d'une heure sans pub. Adrien, on va parler de quoi dis-moi avec toi là, sois le bienvenu. Ah merci aussi, moi on va parler d'une petite anecdote que j'ai vécue avec l'une de mes ex en fait. Ouais, c'est quoi l'anecdote? Bah c'est l'anecdote qu'en fait elle était très friande d'une certaine position et que moi j'étais un peu obligé de picoler pour pouvoir lui faire en fait. Attends, c'est quoi la position? Fais-moi rire. En fait, Attends, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que ça peut être comme position Déjà aucune position en équilibre, parce que comme il est bourré pour la faire. Ouais, exactement. Ouais. Mais genre tu dois être bourré ou juste joyeux? Non, plus bourré que joyeux. Hein. Plus bourré que joyeux. Bon, d'accord, ah, ok, ouais, très bien. Bon, alors, laisse-moi réfléchir. C'est un truc... La toupie thaïlandaise. Attends, mais qu'est-ce qui peut plus... Ah, mais c'est... Attends, mais c'est une position sexuelle ou c'est un préliminaire? Ah, un préliminaire. Ah, le 69. C'est un peu ça, ouais. Ah, ah putain, quel talent! Oh là là! Qu'est-ce que tu es fort, mais Michael, oui! Tu es trop bon! Ouais. Mais n'est-il pas? Pas mal! Bon, et c'est vraiment ça, 69? Bah en fait, c'était juste lui faire un clito, quoi, en fait. Carrément, un clito, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ah, un cuni! Ouais, ouais, d'accord, ok. Mais pourquoi tu l'as pas dit qu'il y a un moment, fallait nettoyer un peu le business, là? C'était pas facile à dire, quoi, en fait. Bah non, mais dis-le, il y a un moment, ça sert à rien de tourner autour du pot. Ouais, sinon... De tourner autour du clito. De tourner autour du pot, en fait. Bah oui, mais c'est ça, mais... Non, mais c'est con, faut y aller, là. Ça t'est déjà arrivé, toi, Célia? Bon, t'appelais pas pour ça, mais c'est pas grave. Célia? Oui? D'avoir un mec qui voulait pas te faire un cunier à cause de l'odeur? Non, absolument pas. Non, parce que je suis propre, y a pas de problème. Ouais, voilà. Non mais après, non mais cela dit, vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez être propre et tout le bordel, mais si vous passez une journée complète et que le soir vous avez pas le temps ou pas l'occasion, bah il y a un moment, il y a un moment, ça peut sentir, quoi. Bah mais oui. Mais maintenant en sex shop il y a du déo à chatte. Ah super. Bah très bien. Allez hop, Célia écarte les jambes, nettoyage. Voilà. Hop, un petit peu de menthol comme ça au moins c'est parfait. Bon et non, mais c'est véridique. Hein. Ben ouais, j'imagine. Et toi Dina, c'était déjà arrivé ou pas? Non, pas du tout. Jamais. Donc tu veux toujours pas me dire c'est quoi cette petite accent, hein? Ah non. Non, bon, j'essaye, comme ça, c'est très bien. Bon, donc, Adrien, et quoi, tu lui as fini? T'as fini par lui dire ou pas? Bah, en fait, on a fini par se quitter, quoi. Ah ouais, ah, à cause de ça? Bah, entre autres, quoi. Oh putain, mais c'est con ça quand même, Adrien. En fait, c'est que soit je l'ai quitté, soit je finissais avec une cirrhose, en fait, donc du coup... une cirrhose. Ouais, il a choisi, hein. Mais t'as qu'à faire comme Polo, le plus mauvais coup du monde. C'est vrai. Voilà, il n'aime pas les cunis. Il n'aime rien. Bah non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il fait pas de cunis. Bah, est-ce que tu sais pourquoi il ne fait pas de cunis, Célia? Parce qu'il n'y a pas de femme. Non, oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Non, mais la vraie raison, en imaginant qu'il en ait une. Ouais. Ah, Adrien s'en va, donc salut Adrien, ah, il ferme la porte, c'est parti. Non, Célia, en imaginant qu'il ait une meuf, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il fait pas de cunis? Bah, je sais pas, moi, ils se lèvent pas. Ah non, non, non, bah non, justement, pas, c'est. Attends, c'est, j'ai pas il, de fait, il se fait pas un cunis à lui-même, hein. Non, non, lui, il ne fait pas de cunis aux meufs, il n'en fait jamais, à ton avis, pourquoi? Tu mets pas ça partout? Je vois un peu une colle là. Oh bah c'est pas une colle. Non, c'est parce qu'il a peur. En même temps, il a déjà dit plusieurs fois. Mais en fait, c'est parce qu'il a peur d'avoir de l'herpès. Ouais. Très classe hein, quand même. Hein, c'est... Ah d'accord. Ah d'accord. Super bien, super bien. Ah bah oui, je confirme. Ah ouais. Bon, bah alors du coup, Adrien, on va demander aux autres, au fil, si jamais ça vous est déjà arrivé d'avoir des odeurs à ce niveau-là, justement. Et puis surtout, au mec, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une meuf qui avait des odeurs nauséabondes au niveau du vagin? Moi, ça m'est arrivé une fois avec ma. Je suis au tout début, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça, je sais plus, c'était ma deuxième, enfin bref. Mm-hmm. Mais c'était une horreur. Alex, ouais. Alex. Ah bah j'ai dû partir en apnée, hein. J'avais pris un espèce de, tu sais, le bouchon, un espèce ouais, mais... de pince-nez, là, tu sais, comme quand tu vas à la piscine. Ouais, ça va, Mickaël, il a une bonne apnée, il peut tenir au moins un quart d'heure à faire un cunis. Non, non, mais j'ai une bonne apnée, mais bon, quand même, il fallait qu'elle démarre directement. Je peux tenir une minute trente ouais, sans respirer, mais quand même. Tu remontes, tu lui lèches un peu les tétons, Ah non, non, mais alors, parce que sinon, après, descend, mais quand t'arrêtes, après, tu sais, elle perd le niveau, donc tu es obligé chaque fois de tout recommencer. Donc une fois que t'étais dedans, t'as envie de terminer rapidement, quoi. Bah oui, pour que ce soit fini, mais non, c'était une horreur. Hein. Je l'ai fait une fois, après c'était fini. Hein. En tout cas avec elle, évidemment. Bon, Adrien et Célia, bah reste avec nous. Célia, on parlera de quoi dans quelques minutes avec toi, en fait? Célia? Oui? On parlera de quoi dans quelques minutes avec toi? De ma petite histoire de couple. Une histoire de couple, très bien. Bon, on va rester dans les couples ce soir, hein. Parfait. Eh ben, reste avec nous, c'est très bien. Restez avec nous tous les deux. Les autres, appelez-nous 01 42 48 5000. Vous parlez avec nous de ce que vous voulez pour nous appeler 01 42 48 5000. 02 851 4x0. Il y a Célia sur le Twitter qui dit trop le seum. Je peux même plus vous écouter. Changer de téléphone et il n'y a pas la radio dessus. Oh putain, la rage, Célia, merde. Renan aussi qui dit virez-moi ce touriste de Bieber. On compte sur vous, l'équipe. Il y a quoi aussi? Tess qui dit on choisit la musique le lundi au soir. En la misère, Tess. Et Polo l'herpès peut venir en étant fatigué. Donc allez hop, au lit, Polo. Oh, mais il en a souvent, hein, mais il en a peur d'en avoir plus, quoi. Et Secret Key qui dit Mickaël, j'en profite pour redemander un message de bienvenue. Une belle triplette me ferait plaisir. Une petite triplette. Écoute, ma foi, pourquoi pas. On va taper dans les vieux, là. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Voilà, et autre. Te faire un cul au PD, voilà. Voilà, et encore un. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, comme ça, t'as eu ta triplette, Secret Key. My vote. aussi sur Facebook. Coco Mickaël, vous avez intérêt à me remonter le moral parce que j'ai mal au ventre à cause d'une vidéo où une fille vomit. Merci ma petite sœur. Bah écoute, va la soigner au lit aussi au lieu d'envoyer des messages là. Bon allez, bienvenue sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Prenez le contrôle de Fun jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Prévenez vos potes également qu'on est là jusqu'à 2h du lundi au jeudi et tous les dimanches de 20h à minuit. Au cœur d'une heure sans pub, on revient avec Senia, avec Adrien. Il y en écoute Avicii maintenant. C'est le nouveau que je vous avais promis tout à l'heure là. Addicted to You sur Fun Radio. Avicii sur Fun Radio, c'était Addicted to You. Comme j'ai dit, mec de la prog a pas donné la bonne prog, il a donné celle d'hier. Je me dis putain, on a les mêmes titres quand même, ça fait chier ce soir. Et là en fait, bah c'est juste qu'il a donné, il a imprimé la mauvaise. Donc si vous voulez bah, choisir des titres, n'hésitez pas à vous demander hashtag et Mickaël, donc sur le Twitter de l'émission. Pareil sur le Facebook où on est presque 340 000 ce soir. Donc continuez, faites passer le message. On est avec vous sur Fun Radio 23h, 2h tous les soirs de la semaine et puis de 20h à minuit tous les dimanches. Il y a Cédric qui dit mon ex sentait l'œuf pourri, c'était horrible. Oh. On s'est quitté pour ça. Camélis qui dit I'm addicted to you, Fun Radio. Merci Camélis et gros bisous à toi. David aussi. Bieber dehors, sale gosse. Il y a India aussi. Vous voilà enfin. Bonne soirée l'équipe. Merci India. Il y a Alexandre également qui dit désolé, je ne pourrai pas rester longtemps parce que brevet blanc demain. Trop nul entre réviser le français, les maths et puis Fun Radio. Histoire et Fun Radio. Bah écoute Fun et tu fais tout en même temps. Oui, c'est un brevet blanc, on s'en branle. Alexandra aussi qui dit salut mes chouchous, je compte sur vous pour me remonter le moral, gros problème. Bah explique nous ton problème aussi Alexandra là, peut-être qu'on pourra t'aider ou pas, je sais pas, on verra bien hein. Sauf si tu t'es fait niquer par Tof, à ce moment là on ne peut pas t'aider bien entendu. Non. Bon, puisqu'on en parle, est-ce que t'as des Lego encore? Bien sûr, j'en ai plein. Attends, j'étais champion du monde de Lego. Moi j'adorais ça quand j'étais petit, les Lego techniques et tout, je faisais des camions, c'est la folie. Attends, ouais. Moi j'avais ma mère en fait, elle avait acheté dans un genre une brocante un énorme sac où t'avais je sais pas 15... Il a fallu faire des économies hein. Non, une brocante. Non mais il y avait elle avait racheté ça, c'était qu'il y avait genre 15 kilos de Lego quoi. Ah ouais, donc j'avais tout dans une espèce de gros sac en jeans et puis après j'avais le bateau pirate, la folie totale. Moi c'était plutôt les Lego techniques quoi, tu sais, avec les lumières, etc. Ça on rendait fou mon père, ça consommait des piles à crever. Enfin bon. Et Adrien, t'as encore tes Lego toi ou pas? Bah bien sûr. Bah bien sûr, très bien. Et toi Florent qui vient d'arriver là, salut Flo. Salut. Comment ça va? Ça va et vous l'équipe? Bien, très bien. T'as encore tes Lego toi ou pas? Des Lego non, j'ai plus. Non, bon bah tant pis. Alors pour ceux qui ont des Lego, donc en l'occurrence Adrien et Toff, et puis peut-être les autres qui sont derrière la radio, j'ai une excellente nouvelle pour vous. C'est l'actrice Christy Mack. Si vous connaissez pas, peu importe, c'est pas le problème. On tape dans Google. Ouais, bon, en même temps, vous pouvez taper dans Google. Mack comme les camions, hein, M-A-C-K. Donc qui a annoncé sur Twitter qu'elle offrirait une fellation à celui qui réaliserait une œuvre en Lego. Alors par contre, faut se dépêcher parce que elle arrête le 1er mars. Donc il faut lui envoyer la photo avant le 1er mars de la construction. Et si jamais c'est bien, hop, elle vous taille une pipe. Moi je sais ce que je vais faire de mon week-end. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme construction? Je sais pas, mais je vais trouver. D'accord. Tu vas faire quoi? Elle est dans une petite combi en cuir là. Ah bah ouais. Tu ferais quoi comme tour toi, Adrien? Enfin comme tour, comme construction? Bah je sais pas, mais si elle pue de la chatte comme mon ex, c'est pas la peine, je lui ai fait. Bah on sait pas si elle pue de la chatte, je sais pas. Bon du coup Tof, on va appeler tu vas appeler des gens, des Corses. Oui, j'appelle les Corses aujourd'hui. Ah bah, on a dit les Corses. C'est toi qui en a parlé mec hein, c'est toi qui te démerdes avec ça hein. Donc on va appeler des Corses tout à l'heure. Si vous avez des numéros de Corses, donc vous voulez qu'on les appelle ce soir, n'hésitez pas hein, vous envoyez directement les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, il y a des messages de Tess encore. Des fois les mecs aussi ça pue de la bite et en pleine action on peut respirer par le nez. En plus, c'est l'horreur. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand vous êtes avec un mec et que bah si jamais vous le sucez à la fin de la journée à la sortie du travail ou à l'arrivée à la maison qu'il n'a pas eu le temps de prendre une douche parce qu'il ne pouvait pas savoir que vous alliez faire ça. C'est vrai. Il se peut effectivement qu'il y ait quelques odeurs, c'est normal. C'est comme il y a un moment il y a de la transpiration, si le mec il va pisser même s'il s'essuie, il y a toujours parfois une goutte qui reste. Mais ouais, mais c'est ça. Pareil chez les filles. Alors si évidemment en sortant de la douche c'est dramatique, voilà, il y a un problème. Il y a Sevet qui dit j'ai l'exposé à faire pour demain, je devais commencer, j'ai allumé la radio, j'ai pas commencé à rentrer demain. Ouais bah ce fait t'as de 2h à 6h hein, pour le faire. Mais t'as le temps. Bah voilà c'est ça, t'as le temps, c'est que demain on est tranquille. Bon Adrien, alors reste avec nous puisque il y a Florent également qui est là. Salut Flo. Salut l'équipe. Comment salut. Ça va? Ça va super et vous? Bah très bien, tu voulais réagir à Adrien toi avec son ex qui peut être la chatte en l'occurrence. Ouais, grande classe ce soir, hein, bienvenue. Non, on est bien là. Si vous venez de démarrer, on a quand même l'émission la plus glamour de la FM. Voilà. Ah totalement. Bon alors Florent, des Yvelines, bienvenue. Donc tu voulais dire quoi toi? Alors moi je voulais réagir Non, je lui voulais réagir à rien du tout, je n'entends rien du tout, ça coupe, Flo. Ça coupe, ah, excuse-moi. Voilà, c'est peut-être qu'il n'y a pas de réseau dans les Yvelines, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Tu es là encore ? Ouais, je suis là. Ah, voilà. Bon, alors vas-y, on t'écoute. Alors, je voulais réagir par rapport à tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré une ex il y a 4 ans de ça. Ouais. Et en fait, la meuf, elle est sortie avec... elle avait un, avant moi, elle avait un mec qui travaillait à la SNCF. Mm-hmm. Et donc, finalement, en fait, quand on a voulu coucher ensemble la première fois... ça a pas marché, donc en fait pendant 3 mois on a galéré à essayer que ça se passe bien, elle avait des blocages et tout, et finalement on s'est vite rendu compte que son fantasme c'était de faire ça en public. D'accord. Et notamment dans des trains. Ok, sympa le train, non? Non, c'est cool, moi j'aimerais bien, j'ai jamais fait dans le train. Bah ouais, c'est ça. Pour moi c'était des nouveautés si tu veux, parce que moi je suis assez timide là-dessus. Surtout que ça peut être excitant quand t'as le bruit du train. Bon, ok, c'est vrai qu'il y a plus trop ce bruit là aujourd'hui, mais... Contrôle des billets s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on faisait ça souvent le soir, parce que si tu veux, on travaillait sur Paris, donc finalement c'était assez simple, parce que le soir, quand t'es dans le train, il y a pas autant de monde que la journée. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, mais elle puait quand même ou pas? Bon. Est-ce qu'elle puait quand même un petit peu ou pas? Ouais, ça dépend. Mais non, moi, je parle pas du wagon, hein, je parle d'elle. Hein. Ouais, mais moi ça me dérange pas ça. Non, parce que dans le wagon, ça pue toujours, mais justement, chez elle, c'était comment? Ah, chez elle, ça va, elle est propre. Bon, bah alors très bien. Bah, alors, c'est il a quand même dit que ça le dérangeait pas, et lui, il aime ça l'odeur. Toi, t'aimes bien l'odeur? Ah, moi, je dis pas que ça me dérange. Non, mais c'est. Non, mais. Il y a crade et crade. Mais ouais, après, parce que comme l'auditeur qui avait envoyé un message sur Twitter ou Facebook, je sais plus, qui disait son ex, ça sentait l'œuf pourri. Ouais, non, mais ça, c'est chaud quand même. Parce que l'œuf pourri, c'est quand même violent. Hein. C'est violent. C'est vraiment dégueulasse. Attends, il y a David aussi qui est avec nous de Paris là. Salut David. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va et toi, Mickaël? Très très bien, David. Bienvenue à toi. Bon, alors toi, t'es déjà tombé aussi sur une meuf comme Adrien qui sentait un peu ou qui avait une particularité? Ouais, elle avait plus une particularité que sentir en fait. Alors, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire. Elle avait une double chatte. Non, pas trop. Elle avait quoi? Bah, en fait, une bite. Elle m'a... Non, c'est le pire du pire, tu vois. C'est clair. Qu'est-ce que c'est? Tu m'étonnes. Non. En fait, je sais qu'il y a des mecs qui rêveraient de ça, mais moi, en fait, elle m'avait pas prévenu, donc résultat, ça m'a un peu surpris. Il est bon, hein, parce que, tu sais, moi, j'aurais dit... Il tease, on sait pas ce qu'il veut. Bon, et donc? Et donc, en fait, une fois, bah, j'ai voulu lui faire un cuni, ça a bien marché, tu vois. Et là, ça puait. Et non, c'était, tu vois une bouteille de Coca que tu ouvres? Oh, la femme fontaine. Oh là je là, veux une femme fontaine. Quelle horreur. Ah non, ça je pourrais pas. Hein. Non, en fait tu peux pas, je sais pas qui c'est. C'est Toff, moi je vais essayer. Mais non, Toff il est complètement jeté. Enfin, de mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est une horreur, c'est une horreur. Non, parce que je t'explique, t'imagines une bouteille de Coca que tu ouvres, que t'as secoué avant. Mais non, mais tu vas faire un cuit à ça. Non mais laisse tomber, c'est une horreur, franchement. Noyé. T'imagines, t'es là? Ouais, voilà. Ah mais j'ai un peu mouillé la salle de bain. Ouais, c'est ça. Elle est fournie avec une bouée de sauvetage ou pas? Et un sauveteur? Sincèrement, bon, heureusement, il n'y avait pas besoin, mais quoi. En plus, tu sais, elle t'a pas prévenu avant. Et en fait, quand... Bon, au départ, tu sais, elle mouille un peu. Bon, ok, d'accord. Mais quand ça te gicle à la gueule, tu comprends plus rien. Mais c'est là que t'as compris pourquoi il y avait un impair accroché à sa, ouais, à sa porte. Et c'est surtout là que tu comprends ce que vivent les meufs quand tu les préviens pas. Ah oui. Parce que ça marche aussi dans ce sens-là, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. 3 gouttes sur le visage. Non. Mais suite du Niagara. Attends, parle pour toi. Attends, il y a déjà et puis il y a une différence entre éjaculer sur le visage et puis si la meuf est en train de te pomper et que tu la préviens pas quand ça arrive et que c'est dans la bouche et qu'elle est pas au jus. Ah mais bien sûr, évidemment. Tiens, Célia, ça t'est déjà arrivé toi ou pas? Non. Jamais un mec t'a pas prévenu? Non. Bon, bah, c'est bien, c'est que t'es tombé sur des mecs bien, c'est cool. Bah, ouais. Elle aimerait pas, Non. Tu m'étonnes. Ah ouais. C'est clair. Non, mais c'est évident qu'elle aimerait pas. Et David, du coup, tu l'as viré ou pas la meuf, toi? Bah, non. Pourquoi je la virerais? Ah, je sais pas, je demande. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, évidemment, ça m'a surpris et tout. Et donc, en fait, maintenant, je le sais et tout. Donc, tu sais, tu mets une serviette en dessous et puis, tu te démerdes, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Ou sinon, tu fais lavabo, tu vois, tu prends l'eau. Ouais, voilà, puis tu te laves avec. Ben, j'avais justement un peu soif. C'est ça. Voilà. Bon, ben merci David et Florent. Ouais, vas-y David, tu disais? Bah, en fait, je voulais te demander deux choses. Dis-moi. Passer une dédicace. Bah vas-y, donc, à une seule personne, hein, choisis voilà. La bonne. À Julia, ma copine. Très bien. Oh, c'est mignon. Bah voilà, la femme fontaine, donc, très bien. Je t'aime. Oh. Je t'aime, j'arrive, je viens prendre ma douche. Voilà. Voilà. Et l'autre truc, c'était, je suis vraiment en colère contre toi, Mickaël. Pourquoi? Parce que je t'ai envoyé plusieurs messages comme quoi je voulais avoir un message de bienvenue et j'en ai toujours pas eu un. Ah bah oui, mais bon, il y a tellement de gens qui demandent, on peut pas. Non mais je me doute, je me doute. Mais t'inquiète pas, je t'en mets un, tiens. Eh ben va lui mettre un gros 2 dans la chatte et va nous ta mère aussi, gros bâtard. Gros. Voilà, et ben tu l'as eu, David, tu vois, il suffisait de demander. C'était parfait. Il suffisait de demander. Bon, bah salut David, merci à toi d'être passé. Eh bien merci, je vais passer une dédicace. À bientôt David, ciao. Oui Florent, t'inquiète, vas-y, à une personne, vas-y, choisis la bonne. Allez, je passe la dédicace à Steve de Montfort. Très bien. Et à mon équipe d'El Barrio. Et à qui t'as pas compris dans une personne? Ah merde. Ah bah oui, mais de toute façon c'est trop tard là, tu m'as niqué, elle est passée, donc très bien. Bon, bah pas de problème, salut Flo, à bientôt. Bonne soirée, salut. Ciao à toi, bye bye. Y'a Sam qui voulait réagir aussi, Adrien reste avec nous. Célia, tu restes là aussi, Célia? Oui, oui. Très bien. Bon, bah restez là. Il y a dans quelques minutes les appels de Toff que nous allons faire direction la Corse. C'est bon ça. Ah, bon, je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, on va voir. Ils sont bons les Corses. Afin de voir est-ce qu'on peut. Ce que une femme peut échanger contre une fellation, c'est ça? Exactement. Voilà, ce que tu peux échanger contre une pipe. On va les appeler dans quelques minutes, les Corses sur Fun Radio 23h27 au cœur du leur sans pub. C'est Mickaël No Limit. Et c'est Lady Gaga qu'on écoute maintenant. Lady Gaga sur Fun Radio avec Do What You Want. Bienvenue si vous arrivez. Il est 23h30, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs de 23h à 2h du mat. D'ailleurs, prévenez vos potes, hein, ceux qui sont pas encore au courant, ouais, qu'il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et puis ça tombe bien, c'est sur Fun Radio que ça se passe, la radio que vous écoutez, donc c'est le principal. Il y a Renaud qui dit je suis plus grave de la bite là, je sais pas pourquoi. Bah lave-la Renaud là. Ouais, mais moi je peux la laver, c'est pas pour autant que parfois l'odeur. Après, elle est c'est pas là. Une odeur corporelle, hein. Il y en a qui se lavent et ils puent, hein. C'est comme ça. Non, tu manges parfois aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Moi ça dépend. Parfois j'ai vraiment la bite, elle a une odeur. Enfin allez, moi je ne la supporte pas, l'odeur de ma bite quoi. Ouais, mais il y a pas que ça. Il y a Réo Hugo qui dit je viens de me rendre compte que Toff a une voix de gros PD. Bien Réo Hugo. Christophe qui dit message pour Toff, t'as bien raison de plus vouloir appeler des Corses parce que eux tu leur dis une saloperie, même au téléphone ils feront tout pour te trouver. Bah écoute, pour l'instant il a déjà appelé plusieurs fois en Corse, hein, depuis le début de l'année, et personne l'a trouvé. Pour l'instant. Et pourtant c'est pas faute de leur avoir. Mais ils sont peut-être en train de gérer pour faire un charter pour revenir jusqu'à Paris. Directement pour tous te péter la gueule au même moment. C'est comme la chasse aux sangliers. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors Célia. Bon, on va faire juste un petit appel là maintenant là pour voir ce que Toff devrait échanger pour avoir une pipe. D'accord. Voilà, donc on va faire ça comme ça, puisque je rappelle que c'est comment elle s'appelle, Mac, j'oublie son prénom. Christy Mac qui a proposé, est donc archi bonne, voilà. Elle a des tatouages. Oh là là. Qui a donc proposé donc de une construction en Lego en échange de ça, elle offre une pipe. Donc on va donc appeler les gens maintenant au hasard pour voir si s'ils seraient d'accord éventuellement en échange de quelque chose d'avoir une pipe, tout simplement. Enfin de faire une pipe, pardon, si Toff apporte quelque chose. Bon, on y va et on fera le je t'emmerde juste après aussi avec Nicolas et Walid qui sont avec nous. On reprendra Dina pour la colle et le premier appel. C'est parti. Merci à tous les auditeurs, hein, qui ont envoyé les numéros de téléphone de Corse là sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et continue d'ailleurs, hein, puisqu'on est jusqu'à 2h, on en fera d'autres des appels. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Je vous écoute. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir contre quoi je pouvais échanger une fellation avec votre femme. Va te faire enculer, sale con. Ah non monsieur. Va te faire enculer, sale pédé. Ah non monsieur. Enculé de ta race. Ah non. Oh, il m'avait manqué les Corses. Je les adore. Bon, est-ce que vous avez remarqué que j'ai dit bonjour? Voilà, juste bonjour. Ouais. Bon, alors on va donc rappeler encore un petit coup là. C'est parti. Allez hop, deuxième appel, on y va. Il était tellement en forme là. Oui monsieur, pourquoi tant de méchanceté et de vulgarité? Parce que tu es un enculé. Ah non monsieur. Oui, tu es un sale con. Ah non. Et si tu continues, j'appelle les flics. Mais pourquoi vous l'appelez les flics, monsieur? Parce que tu me fais chier. Mais non, monsieur, je vous appelle juste pour faire un échange. Oh, mais ça existe la police en Corse? Ouais, bah, mais je pensais que tu faisais ta loi, quoi. Non, c'est une police spéciale là-bas. D'accord, ok. Bon, je plaisante, évidemment, c'est Toff, hein, qui n'aime pas les Corses. Il n'aime pas l'île de beauté, donc. J'adore les Corses. Ouais, c'est ça. Bon, on rappelle. Allez hop, c'est reparti chez le monsieur, très charmant, hein, au demeurant là. Adorable. Bah, totalement. Bon, allez hop, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec je ne sais pas qui. Et je lui demandais contre quoi je pouvais échanger une fellation avec sa femme. Tu es pas pour un con ou quoi, toi, non? Mais pas du tout, monsieur. Mais pourquoi tu es pas pour un con ou quoi, non? Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça? Quoi, tu es pas que tu es un connard, hein? Mais pas te faire foutre, toi. Pas te faire foutre. Oh, va pas te faire enculer. Mais enfin, monsieur. Ben écoute, il n'y a pas de monsieur. Tu m'emmerdes, je ne vais pas te plaindre contre toi, d'accord? Mais pas du tout. Tu m'emmerdes, n'appelle plus, je te dis. Mais enfin, monsieur. Je te dis merde. Mais ça se fait pas, monsieur. Ah oui, ça se fait pas, mais il l'a fait. En même temps, il fait ce qu'il veut. En même temps, c'est un corse, je le rappelle. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Hein. Si tu connais pas des Corses, toi, par hasard, Célia. Célia. Oui. Tu connais pas des Corses, par hasard. Non. Merde. Bon, bah tant pis. Les autres, allez-y. Hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Avant de te récupérer, Célia, qui voulait parler de couple, justement, ne bouge pas de là. On va prendre Dina d'abord, qui est avec nous. Dina, tu es là? Oui, je suis toujours là. Très bien. Dina, refais péter la colle pour gagner le netbook ce soir. Attention, vas-y, on t'écoute, Dina. Alors, deux anneaux, deux couteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Donc, deux anneaux, deux couteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Elle nous donnera d'ailleurs ses origines dans quelques minutes. Hein. Un couteau suisse, on propose. Non, un couteau suisse. Un couteau suisse. C'est pas ça? Non. Bon, tant pis. Ah non, non, la réponse à minuit. Hein. Ah oui, mais je sais pas après. Hein, si vous avez la bonne réponse, donc n'hésitez pas. Deux anneaux, deux couteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Vous repartirez peut-être avec un netbook. Pour gagner, il suffit simplement d'envoyer Mickaël suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 6322 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi, bien sûr, sur le Facebook de l'émission. facebook.com/Mickaël officiel. Je vous ai mis le post tout à l'heure, comme ça vous pouvez le lire. Et y répondre également. Comme ça, vous pouvez jouer aussi gratos. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse avant minuit, Dina, d'accord? Y a pas de souci. Très bien. Bon, bah, bouge pas de là. Célia qui est avec nous. Célia? Oui? On va faire le je t'emmerde là maintenant, mais on parlera de quoi un peu plus en détail après là? Parce que tu m'as juste dit de couple, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Une histoire de couple sexuel. De couple sexuel. Si c'est sexuel, bien. Combien mesures-tu, Célia? Ça met l'eau à la bouche. 1m74. Combien pèses-tu? Elle est grande. 67, un truc comme ça, environ. Environ. Quel est ton tour de poitrine? 90B. 90B. B. Ah, D comme Denise? Waouh. Wow. Ouais. Ah oui, autant pour moi. Mais... comme dur. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Bah, 39. Ah, 39. Bonne. Eh ben voilà, très bien. Bon, Célia, bah du coup, reste avec nous. On va se faire le je t'emmerde avec Nicolas et Walid qui sont avec nous. Salut Nico. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, t'appelles du 21, toi. Et en face, il y a Walid qui va couper sa radio et qui va arrêter de parler, Walid. L'attention qui monte. Walid. Oui, allô? Ah, voilà, ouais, Walid est là. De Lyon, lui, Walid. Walid. Bon, on va jouer au je t'emmerde, tous les deux. Vous connaissez le principe? Oui. Très bien. On va donc appeler des gens au hasard, maintenant. Et il va falloir placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase cohérente. Donc, pas arriver en disant je t'emmerde, ça ne marchera pas, bien évidemment. Il faut bien dire je t'emmerde ou je t'emmerde, mais pas je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc., etc. Donc, c'est bien que je t'emmerde, d'accord? Donc, ne vous voyez pas les gens. De toute façon, vous allez les emmerder. Ce n'est pas la peine d'être poli, ok? Bon. D'accord. Qui veut commencer? Nicolas, Walid? Walid. Bon, très bien. Allez, Nicolas, c'est parti. C'est ok, commence. On y va. Nico, t'es prêt? Oui. On appelle au hasard, dès que t'entends plus la petite musique en dessous, tu dois dire allô et à toi de jouer. Celui qui en fait le plus, évidemment, repartira avec un écran plat full HD. C'est parti, bonne chance. Allô? Je lui dis, faut dire allô. Ah ouais. Allô, bonsoir, je vous appelais parce que vous avez appelé sur le portable de ma maman en lui disant je t'emmerde. Et je trouve pas ça normal. Alors là, d'abord, petit 1, vous êtes qui? Et ensuite, j'ai reçu l'appel de votre portable sur le portable de mon maman. Il y a marqué, de et vous disiez, je t'emmerde. Vous pouvez me donner le numéro de mon portable? Ah ben, je viens juste le relever, puis j'ai appelé sur votre portable et vous lui disiez, je t'emmerde. Et ma mère est très choquée par les je t'emmerde. Je l'ai jamais fait ça, il y a erreur là-haut. Ah bah j'en sais rien, mais c'est votre numéro de portable qui est affiché, mais puis vous avez numéro dit, de portable, allez-y, donnez-le-moi, mon numéro de portable. Ça va te faire enculer, connard. Vous lui avez dit, je t'emmerde. Non, je lui ai jamais dit ça. J'ai pas parlé. Écoutez, c'est pour ça que j'ai votre numéro de portable, et vous lui avez dit, je t'emmerde. Mais quel est mon numéro de portable? Ça provoque. Bah écoutez, j'ai tapé votre numéro de table, j'ai rappelé sur votre portable, et vous lui disiez, je t'emmerde à ma mère. Et ma mère est très choquée par les je t'emmerde. Pas mal. Bon, arrêtez, je ne l'ai pas fait. Il est parti, t'emballe pas. Alors combien là, Dof? 23. 23, Nico, pas mal. Walid? Bravo. Walid? Ouais. Eh bah, toi de jouer, mec, hein. 23, score à battre. Et on fera la suite juste après la pub, évidemment, hein, la deuxième manche. On y va, t'es parti, Walid, t'es prêt? Ouais. Bon, tu connais le principe, Walid, hein? Je connais le principe, mais là, il y a une escroquerie, hein. Le mec, c'est un pro, là. Bah non, c'est pas un pro. Bah, on a fait déjà bien mieux, tu sais, encore, Walid. Allez, vas-y, je suis sûr que tu peux y arriver. Si tu gères bien, tu peux y arriver. Vas-y, dès que t'entends plus la musique en dessous, tu dis allô, et c'est parti, on y va. Allez. Allô ? Une seconde. Attends, on appelle un autre. Là, celui-là, ça décroche pas. Attends, bouge pas, on appelle un autre. Hop là. Allez. Est-ce qu'il n'a pas compris dans Allo quand il y a plus de musique? Donc là, il n'entend plus rien, mais ça ne perturbe pas. Allo? Non mais il a été mauvais. Ouais. Là je peux pas lui donner de points, je suis désolé. Hein. Non. Alors, on recommence pas. Elle est là encore la meuf. Hein. Et l'autre il a 15 km de son téléphone. Là. 15 km. Allô. Elle est partie. Non bah elle est partie, bah oui mais pourquoi t'as mis le haut-parleur là? T'étais à 15 km là Walid, on attendait rien, elle a raccroché Walid. Oh Walid. Bon Walid, c'est pas grave, tu feras mieux dans quelques minutes, ne bouge pas, ça nous fait 0 pour Walid, Nicolas en a fait 23, c'est pas mal. 23. On va revenir juste après la pub, il y aura Fatboy Slim. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et je vous rappelle que si vous voulez jouer au karaopé, on a lancé le jeu à la con hier, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Appelez-nous maintenant, on a besoin de 4 personnes pour jouer, 2 filles, 2 garçons, vous idéalement, on serait bien. Donc 01 42 48 5000, il y a de la place encore, et 02 851 4x0 depuis la Belgique, allez-y. On fera les teubés de la télé à suivre également dans quelques minutes, il y aura le son de Fightboy Slim, je vous en parlais. On va faire la suite avec Walid et Nicolas pour le je t'emmerde, Nicolas qui a fait 23 je t'emmerde et Walid qui en a fait 0. Bah oui, c'est dommage, ça arrive. Et on a plus de nouvelles de Célia là, putain, elle nous a juste dit qu'elle voulait parler de couple sexuel. Bah oui. En plus elle était super bonne. Mais ouais, on n'arrive plus à la joindre, Célia, ça a coupé, j'espère que c'est pas la batterie. Merde Célia. Bon écoute, j'espère quand même que tu vas revenir. On aura également Dina avec la colle pour gagner le netbook ce soir, je rappelle la colle, 2 anneaux, 2 couteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël au 64 900 par SMS. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, voilà. Et puis je vous avais promis le son de Fatboy Slim également avec Hit Sleep Rave Repeat. Hit Sleep Rave Repeat. Voilà le son de Fatboy Slim que je vous cale dans une dizaine de minutes là. C'est Hit Sleep Rave Repeat Fatboy Slim dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis bah, je vous rappelle aussi hein, que vous voulez choisir les sons ce soir, vous pouvez évidemment hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission No Malaise. Marjo qui dit je passe, mais c'est à cause de Dina ça. Je passe toujours de bonnes soirées avec vous ici. On est sûr de pas être déçu, mais merci Marjo. Il y a Christophe aussi qui dit allô, je t'emmerde, voilà comment on fait Walid. Et Anthony qui dit demain je commence le lycée à 13h, 3h de Mickaël No Limite ça veut dire. Eh oui, bienvenue, ouais. C'est cool. Et Jérémy Titi qui dit coup de pelle pour mon retard, au fait mon grand-père bûcheron avance vraiment sur la croix de Ah cool. Mais pas de promesses en l'air, on veut cette putain de croix. J'espère Jérémy. Ah ouais. Déborah qui dit aussi coucou Mika. Et l'équipe, il y a moyen de faire un sondage chez les hommes pour savoir s'ils ont déjà eu un point G grâce à la prostate. Oui, on peut faire un sondage. Bah, Déborah, appelle le standard comme ça on en parle. 01 42 48 5000 ma chérie s'il te plaît. Et puis Lolman 2X0 qui dit trop délirant de faire cette voix en vous écoutant. Oui, alors les points de demain seront à mon avis moins délirants en revanche. Hein. Mais bon, après, voilà, ce soir c'est cool. Ça, pour le coup, c'est clair. Retour avec Adrien, retour avec Sam. Adrien et Sam, vous attendez encore deux petites minutes. On termine le je t'emmerde avec Nicolas et Walid, d'accord? Ouais, ok. Bon, très bien. Et à votre avis, un petit pronostic, ce sera plutôt Nicolas ou Walid, Sam, qui va gagner? Sam? Oui. C'est plutôt Nicolas ou Walid, à ton avis, qui va gagner le pronostic, là? Ah, je dirais Walid. Walid, d'accord. C'est plutôt mal parti, mais tu prends des risques, c'est bien. Et Adrien? Ah bah Nico, franchement, c'est un tueur. Bah on verra, le retournement de situation peut arriver. On a fait la première manche avant la pub, Nicole avait fait 23 je t'emmerde, Walid en a fait 0. Pourquoi? Parce que je t'avais dit Walid, dès que tu n'entends plus la musique, tu dis allô. Et tu n'as pas fait allô, j'ai dû dire allô moi-même pour que la meuf décroche. Et puis à un moment quand t'as dit allô, t'étais en haut-parleur j'imagine, en tout cas à 15 km de ton téléphone. Résultat, personne n'entendait rien. Walid, j'espère que tu auras corrigé ça. Je vais essayer de corriger ça. Bon, très bien. Allez, on y va. Nicolas, tu remets ton titre en jeu là pour l'instant. On fait un appel. Tu fais mieux que 23, je t'emmerde. On gardera évidemment le meilleur des deux scores. Et si c'est moins, on gardera 23, d'accord? D'accord. Allez, deuxième chance, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allez. Bon, on a d'autres numéros au cas où. Allez. Bon, on va appeler un autre, c'est pas grave. C'est parti. Allô? Allô, oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part où c'est qu'il y a marqué je t'emmerde. Et je voulais savoir pourquoi vous m'avez envoyé cette lettre-là en marquant je t'emmerde. Pardon? Vous m'avez envoyé une lettre en marquant je t'emmerde. Et je voulais savoir pourquoi vous m'avez envoyé une lettre où c'est qu'à marquer je t'emmerde, parce que ça me plaît pas de recevoir du courrier comme ça. Et à minuit, ça vous amuse de passer des coups de fil comme ça ou pas? Bah écoutez, moi j'ai votre numéro, alors je vous appelais pour savoir pourquoi vous m'avez marqué je t'emmerde. Monsieur, je sais même pas qui vous êtes. Bah écoutez, j'ai reçu une lettre de votre part où c'est qu'à marquer votre numéro de téléphone, votre prénom et tout, et il y a marqué... Alors dites-moi, je m'appelle comment? J'espère que tu vas bien, je t'emmerde. J'espère que t'es bien en vacances et que ça se passe bien, je t'emmerde. Et pourquoi vous m'avez marqué je t'emmerde? Ok, bah alors dites-moi comment je m'appelle. Ils sont bons. Bah écoutez, moi je l'ai pas sous les yeux, dans mes affaires, et si vous voulez je peux la retrouver. Okay. Alors marqué, je t'emmerde. Là où vous êtes très mal tombé, c'est que votre numéro qui a beau être masqué sur mon téléphone, ne l'est pas. Ah. Oui mais moi pourquoi j'ai votre numéro sur la lettre en marquant je t'emmerde. Ok, alors ce que je vais vous dire, ça va être très simple, monsieur. Vous allez fermer votre gueule tout de suite, d'accord? Non, mais moi, je vous dis, il y a marqué... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Tout à fait. Oui, mais moi, je vous dis, il y a marqué je t'emmerde sur la lettre. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah bon? Allô? Il a raccroché. Il est parti. Discussion de ouf. L'autre, ah bon? Bon, alors du coup, attention. Mais t'inquiète pas, hein, c'est nous qui allons prendre, comme d'habitude, avec son appel de démasquage de merde de numéro là. C'est qui va prendre. Oui, bah comme d'habitude. Alors combien là? 36. Oh là là, ouais. Bravo. Bon, Nico, bravo. Walid. Merci. Franchement, Nico, je peux lui dire un petit truc? Bah vas-y, ouais. Franchement, Nico... Là, t'as claqué des chats. Merci. Voilà. Et ouais, il a bien joué. Bon, ben Walid, tout n'est pas perdu. Combien à 36 il a fait? 36, ouais. 36. Walid, tu fais 37, tu gagnes. Ouais, on va tenter, hein. Ah, écoute, de toute façon, il n'y a rien à perdre, hein. On y va, Walid, c'est parti. Donc, je répète, tu restes bien au téléphone dès que tu n'entends plus la petite musique là en dessous, là. Voilà, dès que tu n'entends plus, tu dis allô. Des fois que celui d'en face ne te décroche pas en disant allô. D'accord? Okay. Allez, c'est parti Walid, vas-y mon pote, on y va. Montre que Lyon est plus fort que les côtes que c'est Pouilly en Auxois. En Auxois. Oui. Bon bah vas-y Lyon. Hein. On est encore en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Allez Lyon. Allô. Attends. Attends, j'appelle un autre, ça décroche pas celui-là, c'est pas grave. Hop, on en appelle un autre. Trouve-nous un bon, hein. Bah, et on choisit pas. Allez. Allez, putain, maintenant ça décroche plus. Toujours la poisse le mercredi soir, c'est un truc de ouf. Bon, on appelle un autre encore, c'est pas grave. Forfait, je suis vainqueur. Non, justement. Allez. Ça va aller. On va. Eh, hey, c'est pas possible, on va finir par y arriver quand même. Allô? Oui, allô? Ah, oui, bonsoir. Oui, vous voulez parler avec qui, monsieur? Oh merde. Avec vous? C'est qui là? C'est moi qui vous demande. Mais c'est toi qui m'as envoyé le message tout à l'heure? Bien sûr que non. Vous êtes qui? Non, appelez tard, c'est les gens. Non, attends. Et ne me tutoyez pas, je ne suis pas votre copine. Je n'ai pas de votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appeler les gens tard comme ça? Ah, excusez-moi. Vous n'avez rien à faire? Excusez-moi. Moi aussi. Bon, zéro pour l'instant. Non. Eh ben voilà. Mais putain, mais Walid, t'es mon héros. Walid, zéro à l'aller, zéro au retour. Qu'est-ce que t'as pas compris dans les jeux t'emmerde? Tu as été le plus mauvais joueur. Excusez-moi, oh, je m'en vais. Mais il fallait déplacer les jeux t'emmerde, t'en avais rien à foutre, tu y allais comme un bourrin. Walid. Ouais. Bon, ben, sans surprise, bravo Nico. Ouais. Eh ben voilà Nicolas, hein, c'est parti, elle est pour toi, l'écran plat, full HD, 32 pouces, tu vas recevoir ça rapidos Nico. Ok, merci les gars. Avec plaisir. Je peux donner le bonjour à mon frère? Eh bah ben, c'est fait. Merci. Je t'en prie. Ça roule, salut à toi Nico. Et bon Walid. Ouais. Bon bah écoute, la prochaine fois hein. Ah, ça se fait pas hein. Ah bah ça se fait pas, nous on y peut rien, t'as fait 2x0 mec. T'as été mauvais, mauvais. Vous m'avez mis en face d'un tueur là. Ah bah non, mais bon là nous on y peut rien, on prend au hasard Walid. Eh Walid, fallait l'enchaîner la mais meuf, ouais. Tu l'as laissé parler, tu t'es excusé. Voilà, il fallait pas t'excuser, tu vois quoi, je t'emmerde, qu'est-ce qu'il y a. Bon voilà, écoute, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas grave. En tout cas Walid, quoi qu'il en soit, on se souviendra de toi puisque tu es le seul à avoir fait 0 au match aller et 0 ouais. Au match retour. Quel talent. Un cadeau pour ça. Non. Franchement. Si tu on va te faire le diplôme du plus mauvais auditeur. On oui, le diplôme. On va t'envoyer. Exactement, le diplôme, Walid. Tout ce que tu peux avoir, c'est un pack fun. Ce sera déjà ça, non, Walid. Quelque chose. Bah attends, regarde ce que tu peux avoir. Regarde. Un pins. Ah oui, bah bien sûr, mais ça, pas de problème. Un pins parlant de Toff, regarde, il va faire ça. Voilà, ça va être top. Bon. C'est comme ça. Eh bah oui. Bon. Vous avez changé, c'est pas une radio. T'as vu un peu, on est des enculés quand même. Bande d'enfoirés. Exactement. Nique ta chatte. Eh bah parfait, Walid. Walid, nous aussi on t'aime. Allez, je t'embrasse, merci. Walid. Au revoir. Salut Walid, ciao à toi. Et je dis merci. Bah ouais. D'amour dans cette bon, émission. Mais oui, mais bon, bah ça arrive, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, on va jouer aussi dans quelques minutes avec le nouveau jeu qu'on a lancé depuis hier. Ah et le nouveau jeu n'est autre que le karaoupé. On va faire ça dans quelques minutes. Ah bah oui, ça va être du lourd, hein, je vous l'avais promis. Retour avec Adrien, retour avec Sam également de la Sarthe. On aura également Dina qui va répéter la colle. Bon, on va la prendre maintenant, tiens, vite fait là, Dina. Oui. Allez, Dina, refais péter la colle pour repartir alors, avec le netbook. Alors, deux anneaux, deux coteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Voilà. Et t'as perdu ton accent, là. t'as fait un effort, non? Oh non. Ah bon, je pensais. Bon, deux anneaux, deux couteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Pour gagner un netbook, c'est facile. Vous envoyez simplement Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS. Ou alors pour la Belgique, pareil, mais au 6322, c'est un autre numéro, mais sinon c'est la même chose. Et vous pouvez jouer aussi gratos sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Vous balancez votre réponse et si vous êtes tiré au sort dans quelques minutes, à vous peut-être le netbook. Et bah, bonne chance. Voilà. Dina, tu restes avec nous? Oui. Très bien, tant mieux. Restez là, il y a Jojo qui dit péter de rire le jeu du je t'emmerde. Ah bah oui, mais là il était exceptionnel. C'est-à-dire que Nico il a quand même fait une putain de prestation alors ouais. Qu'en fait c'était pas nécessaire. Hein. Mais bon, voilà. Guillaume qui dit tu peux me remettre l'alarme, on va casser les oreilles à toute la France. Oui, la France, la Belgique et tout le monde. Hein. Ah bah écoute, avec grand plaisir, hein, si tu veux, c'était l'alarme d'hier, l'alarme incendie. Attention. Imaginez, vous êtes en train de dormir là, pépère. Vous avez le casque, vous avez bien fait d'ailleurs. Ouais. Et puis tout d'un coup. Quel horreur. L'alarme incendie qui se déclenche. Il y a le feu, tout le monde dort. Heureusement, évidemment, nous sommes équipés d'alarme incendie. Donc rassurez-vous, si jamais il y a un problème, on est là, on est équipés. On laissera Tof brûler, ne vous inquiétez pas. Ah bah évidemment, mais ça tombe sous le sens. Bon, Jérémy Tité qui dit je vous ai promis les macarons, j'ai tenu ma parole. Pour la croix aussi, Tof, je tiendrai parole. Parfait, merci beaucoup. Et Mickaël qui dit un chocobon contre une turlute. C'est pourquoi pas, c'est une idée, on fera d'autres appels tout à l'heure. Moi je suis d'accord. C'est vrai. Allez, Fatboy Slim, c'est maintenant sur Fun Radio. Hit, sleep, rave, repeat. Et on est au cœur de la nuit, sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit sur Fun jusqu'à 2h. Service's DJ was like kicking off. I don't know what he was. C'est Fun Radio avec le son de Fatboy Slim. À l'instant, c'était Hit, Sleep, Rave, Repeat. Allez, si vous voulez taper la discute avec nous, si vous voulez délire avec nous, eh ben vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. N'hésitez pas. Et vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer vos messages directement sur le Facebook et le Twitter de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Romain qui dit vos gueules avec l'alarme, j'entends plus rien. Ouais, putain, même moi, ça m'a tué l'oreille. Ça a sifflé comme ça tout le coup. Quelle violence. Ah ouais, putain, vraiment. Mystique qui dit putain, fait chier cette alarme incendie de merde, merci mon petit Portos. Et alors il y a Tom également qui dit une fois une meuf m'a chié sur la bite. Oh, l'horreur, dégueulasse. Ça m'est arrivé une fois aussi. Ah putain. Et Evans qui dit merci à toute l'équipe pour vous remonter grave le moral, je vous kiffe. Et Echo qui dit brevet blanc c'est inutile, écoute Fun bro, je le donne le brevet de toute façon. Bah voilà, quand je le disais tout à l'heure. Allez, tous vos messages continuez, hashtag Mickaël, continuez à balancer sur le Twitter de l'émission. Vous m'ajoutez également si vous le souhaitez la Mickaël _, c'est le petit tir en bas, Mickaël _officiel. Si vous me suivez, je vous suivrai également. Et puis avant de faire ce magnifique jeu du karaopé. Alors, karaopé, souvenez-vous, c'était ça, il fallait découvrir les extraits. Mickaël. Ah, merde, attends, j'ai fait de la merde. Attends, où est-ce qu'il est le son? Attends. Oh merde, attends, ça y est. On me l'a mis mais c'est pas le bon. Attends. Ah oui, alors attends, Nso, je vous les mettrai dans quelques instants les extraits, bougez pas. C'est-à-dire que la machine, faut lui faire faire des petites mises à jour. Des petits massages. Des petits massages, sinon elle est un peu relou quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai des extraits dans quelques minutes, des extraits de musique mais avec un rythme de paix. Et il faut découvrir la version originale. C'est on ça. Joue d'ici 25 minutes à peu près, ouais. Vers minuit 30. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, on va parler également des teubés de la télé. Vous savez qu'on aime bien ça, les teubés de la télé, hein, tellement ils sont teubés en fait au final. Et là c'est dans Enquête d'action, il y a un homme qui nous montre toute sa satisfaction du travail. Que fait la police justement? Ouais, les véhicules sont pas trop adaptés mais sinon ça va. Monsieur, il est content d'être avec nous visiblement. Je t'emmerde. Donc voilà. Je t'encule, merci pour les collègues. Content du service public monsieur? Excellent. Excellent. Bon, et puis dans les preuves de l'amour aussi, il y a une candidate qui découvre l'existence de la Belgique. Mieux vaut tard que jamais. Ça va? Salut, je t'appelle comment? Écoute, tu t'appelles comment? Tu viens de Belgique? Belgique. C'est en France la Belgique? En France la Belgique, c'est un pays, c'est pas ça. Camille, t'as pas le droit de dire ça. La Belgique, c'est à côté quoi. C'est à côté, c'est au nord de la France. Voilà, donc l'Espagne est française aussi. Mais apparemment, oui. Hein, tu vois, si tous les pays limitrophes sont français, l'Italie également. L'Allemagne. L'Allemagne est française, bien sûr, évidemment, c'est clair. Bon, et puis, si vous pensiez que Depardieu était parti s'installer en Belgique pour une question d'argent, vous êtes complètement gouré. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette ville, dans cette région en particulier? Tourner, c'est comme moteur, tourner. Quelles sont vos envies ici dans la région exactement? Quelles envies? Baisser. Voilà. Donc il est parti en Belgique tout près de tourner pour baiser et il a bien raison d'ailleurs. C'est normal, c'est parce qu'il y a tous les trucs de pute sur la frontière là. Exactement, ouais. Il y a toutes les maisons closes. Et clos complètement. Voilà, donc Depardieu est parti là-bas pour ça maintenant. Si vous ne le saviez pas, au moins maintenant, vous le savez. Bon, il y a Adrien le retour là qui nous avait appelé parce que son ex avait un problème. Enfin, c'est pas son ex, c'est lui qui avait un problème avec la chatte de sa copine puisque ça puait la mort. N'est-ce pas Adrien? Ouais, c'est ça. Je peux te poser une question, Mickaël, ou pas? Bah, vas-y, oui. Ouais, c'est pas pour te demander si ta femme a plus de la chenille, ça j'en fous. C'est juste pour savoir si tu peux avoir un message de bienvenue. Mais bien sûr. Ouais, c'est adorable. Tu veux un message de bienvenue comment? Mais comme tu veux, je te laisse. C'est mon un fils, sale. Vas-y. Un sale. Allez, ça marche. Bon, alors j'en ai un ici, tiens. Alors moi, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Voilà, tu vois. Ah, c'est gentil. Mais avec plaisir, moi, tu sais, si je peux rendre service. Bon, attends, il y a Déborah également qui nous appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. Salut, Débo. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Et bon. Vous, tout le monde va bien? Mais oui, très bien, Déborah. T'appelles de Charleroi, toi, Déborah. Oui, c'est est-ce ça, que, ouais. Est-ce que tu es déjà tombé sur un mec comme Adrien qui a voulu te faire un cuni et qui finalement s'est arrêté parce que ça sentait trop mauvais? Non, jamais. Jamais? Bon, d'accord, ok, très bien. Non, mais je vous posais la question comme ça, très bien. Bon, attends, il y a Sam également qui est avec nous de la Sarthe, là. Salut, Sam. Salut. Oh, là, il faut nous parler dans le téléphone, hein, parce que si t'es au bout de la pièce, ça ira pas, Sam. Sam ? Oui. Non, mais non, mais Sam, on n'entend rien, t'es sérieux, là ? Oui, Sam ? Non, sérieux, ah. Oui. Voilà, allô. Là, ça va beaucoup mieux, là. Bon, Sam, bienvenue à toi. Tu voulais réagir à Adrien, toi. Ah non, non, non, oui. toi, tu voulais réagir même encore à quelqu'un d'autre. C'est à l'auditeur qui était juste avant qui sortait avec une femme fontaine. Ah, moi, je trouvais ça bien que ce soit Sam qui vienne réagir à Adrien qui pique l'œuf pour faire des cunis. Pourquoi ? Bah, parce que du coup, bah, maintenant, David, à boire. En fait, il aimait pas ça et moi, j'adorais ça. Ouais, attends, parce qu'il y a Thor qui a voulu faire une vanne qui. Non, mais c'est trop tard. Allez, ah, bah, vas-y, explique. Non, mais je voulais dire qu'entre boire ou bouffer de la chatte, il avait choisi. Ah oui, Sam, bah, oui, bah, bien sûr, évidemment. Ah, t'as vu, vous l'avez sauvé finalement. Ouais. Ah, on peut voir ça comme ça. Non, je suis déçu. Bah oui, bon Sam. Oui. Alors, toi, tu voulais dire quoi, toi ? Dis-nous, bienvenue à toi. Bah en fait, par rapport à David, que lui, il aimait pas quand il était tombé sur une femme fontaine, alors que moi, c'est totalement l'inverse, que j'adorais ça, en fait. Quoi, c'est le côté je m'en prends plein la gueule ? Et voilà, c'est ça même. Non, mais t'es sérieux ? Ça avait tendance à m'exciter, ouais, carrément. Ah ouais ? Mais ouais. En plus, tu dois avoir, tu sais, le moment où tu sens qu'elle commence à venir et que ça se contracte, tu dois flipper un peu du jet, quoi. Non, franchement, même pas. Genre quoi, toi, t'y vas, t'as peur de rien et t'attends que ça vienne. Exactement. Ah, mais ouais. C'est un guerrier, lui, il a peur de rien. Ah, et si. Enfin bref, non, ouais, ça, franchement, ça avait tendance à m'exciter. Et après, ouais, ça avait, ouais, franchement, ouais, c'était même mieux, même pour moi. Après, mon rapport sexuel était un peu plus intense que. Bah ouais, on en a déjà parlé. Hein, fait, moi, j'aurais du mal avec une femme fontaine. La femme se lâche et donc du coup bah toi tu vois qu'elle prend plaisir donc du coup tu fais pareil donc tu te lâches et ouais non c'est pas mal. Ouais mais moi je préfère qu'une meuf me dise que c'est au top et que tu la vois se lâcher que d'avoir un géant en pleine gueule quoi. Ouais non je sais pas. Non mais oui non mais après j'imagine hein, mais voilà moi ça me perturberait quand même. Adrien ? Ouais ? Et toi femme fontaine t'es jamais tombé dessus ? Ah bien sûr que si, je tombe un peu sur tout, hein, des grosses, des moches, des belles. Bon, hormis belles, en fait, t'es comme Toff, t'es tombé sur tout, quoi. Ouais, non, je suis pas comme Toff, hein. Non, je suis pas désespéré à ce point-là quand même, quoi. Non, mais... Je ne suis pas désespéré, je suis au-delà de désespéré. Oui, c'est ça, c'est un petit... C'est une touche au-dessus, ouais. Bon, ben merci Sam, en tout cas, hein, et puis bah embrasse ta femme fontaine pour nous, hein. Ouais, merci, la possibilité de faire une dédicace. Allez, vas-y, il y a une personne là, profite, choisis la bonne. Ça marche, bah tous les plombiers qui travaillent demain. Mais... Très bien, et bah et t'es plombier ? Oui. Avec une femme fontaine, t'es au top. Exactement. Ah, vous êtes au top. Ah ouais, vous êtes bien, vous faites la paire, vous. Et salut Sam. Je veux juste savoir, Sam, tu veux pas venir nous faire une démo avec ta meuf ? Bah si vous voulez, pas de problème. Parce que moi j'aimerais bien voir le jet. Ça se paye après tout ça, les gars, par contre, hein. Ouais mais t'inquiète pas. On trouvera un joli cadeau. Voilà Toff il paiera en nature. Ça marche, t'as possibilité de rater quelque chose ou pas? Eh ben ton cul. Ouais. Voilà. Ça tu non, peux le faire pas, si tu veux. Moi je propose que tu viennes gratter ta meuf en studio. Voilà, gratte ta meuf en studio et puis on s'arrange. Ok, ça marche. Bon, ouais, ça roule, on va te filer un pack fun Sam, tu restes au standard avec Sandro. Ça marche. Salut Sam, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt. Adrien, bah écoute, ouais. Bah merci beaucoup pour la petite anecdote. Hein. Ah merci à vous, c'était cool. Bonne soirée avec vous. Et tu reviens quand tu veux. Ça marche, merci. Salut cool. Adrien, à bientôt. Ouais. On a de Alexandra avec nous maintenant là. Salut Alex. Salut. Comment ça va ? Ça va. Bon qu'est-ce qui va pas Alex ? Eh bah donc problème de couple avec mon copain. Ah, toi, ça tombe bien, tu voulais réagir aussi comme l'autre auditrice qu'on n'arrive plus à joindre d'ailleurs, Célia, c'est dommage. Mais bon, alors, au problème de couple avec le copain, qu'est-ce qui va pas, dis-nous tout. Donc, il y a samedi soir, donc j'étais d'anniversaire à un pote avec qui j'ai couché. D'accord. Donc, il n'est pas ton copain. Non. Ah bah voilà le problème, déjà on l'a déjà détecté. Ah mais j'ai couché avec lui il y a longtemps. Hein. Ah, ok, d'accord. Ah, que t'as pas trompé ton copain. Non, bah dis-donc. D'accord, alors vas-y. Et donc, il le savait. Ouais. Donc, il y a 3 semaines, donc je lui ai dit que j'allais à l'anniversaire et tout, il était d'accord. Ouais. Et samedi, il commence à me péter un câble en me disant « Ouais, non, tu vas pas et tout, je suis sûre que vous allez recommencer et tout. » Alors d'accord. Que rien à voir. Et là, bah, depuis dimanche matin, on n'arrive plus à se parler. Ah bon ? Plus du tout. À cause de ça ? Ouais. Mais genre, vous vous engueulez tout le temps ? Ouais. Bon, ok, d'accord. Bah, écoute, on va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, du coup. Alex, si jamais ça vous est déjà arrivé, vous aussi, vous êtes déjà tombé sur des mecs un peu relous, ou des meufs un peu relous, en termes de jalousie, ou en termes de... genre, oui, c'est bon, tu peux y aller, tu te ranges, et puis après, au dernier moment, c'est bah, il n'est pas question qu'il y aille, ça va pas, blablabla, et puis après, c'est la guerre. Je déteste ça. Alors là, c'est un truc pour lequel je peux virer la meuf. Hein. Parce que tu dois comprendre qu'en fait, tu ne dois pas y aller. Tu vois, quand tu demandes à ta meuf ou à ton mec, ça marche dans les deux sens, la preuve. Mais bon, on prend l'exemple d'une fille puisque je suis un mec, mais tu demandes à ta meuf, c'est bon, je peux y aller. Mais oui, tu peux y aller. Et là, en fait, il faut comprendre que non. Ouais. Voilà, parce que si tu y vas quand même, elle va râler. Bien sûr. Voilà. Alors, et si tu n'y vas pas, elle dit, je t'ai dit oui. Pourquoi tu restes? Je t'ai dit exactement. Oui. Donc en fait, quand tu poses la question, tu sais que tu te feras engueuler. Ouais. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, t'es mort. C'est un traquenard. Exactement. Et une fois que tu lui as posé la question, t'es mort. Hein. Tu ne peux plus faire marche arrière. Hein. T'es mort, c'est fini. Bon, Alexandra, reste avec nous. On en parle dans quelques minutes. On donnera la réponse avec la colle de Dina. Et donc Déborah, qui est avec nous de Charleroi. 21 ans, Déborah. Toi, tu nous avais envoyé un message sur le Facebook, c'est ça? Oui. Par rapport au point G des mecs. Ouais. Voilà. Pourquoi tu veux savoir ça, coquine? Non, en fait, je veux savoir un petit peu. Enfin, d'abord, je voulais savoir si c'est vrai que si on touche à la prostate d'un homme, donc si on lui pénètre... On lui met un doigt dans le cul, il faut appeler ça, un chat. un cul. Mais, et il paraît qu'ils ont l'orgasme, un truc de fou, qu'ils ont coingé, quoi. Voilà, il paraît, moi j'ai jamais. Ah, moi non plus, je peux pas me faire mettre un doigt. J'ai jamais essayé personnellement et je ne sais pas. Bah, dites-nous les mecs, si ça vous est déjà arrivé de vous faire mettre un doigt dans le fion là pendant qu'on est en train de vous sucer ou pendant vous êtes en train de coucher avec une copine ou avec un copain, on sait jamais. Bah, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Guillaume qui dit Mickaël, truc de fou, je te kiffe, tu mets de bonne humeur comme d'hab. Bah, merci Guillaume. Et Melinda aussi qui dit, vous me faites délirer, continuez comme ça, je vous écoute depuis 6 jours. Tous les soirs, sans relâche, petit message de bienvenue. Bah, avec plaisir, Melinda, si c'est demandé en plus comme ça, si gentiment, on va pas. Hop, je vous remets un petit là comme ça. T'as rien d'autre à foutre, fils de pute. Non, c'était peut-être pas celui-là. Non, il est trop sympa celui-là. Oui. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. C'était peut-être pas le bon non plus. Mais enfin bon, en tout cas, la pensée y était, Melinda, je te fais des bisous. Bon, Déborah, tu vas pas bouger, on va demander l'avis des autres alors, hein, d'accord? Ok, ça va. Allez, reste avec nous, Déborah, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Dans quelques minutes, nous allons jouer. Tiens, Déborah, t'as écouté l'émission hier ou pas? Non. Ah bah bravo, ouais, t'as raté notre nouveau jeu qui déchire. Et c'est quoi? Le nouveau, c'est le karaopé qu'on va refaire dans quelques minutes. D'ailleurs, on cherche deux garçons, deux filles pour jouer avec nous. 01 42 48 5000, pareil pour nous appeler. Et le karaopé, c'est simple, c'est une chanson. Et tiens, on va jouer comme ça vite fait ensemble, Déborah. Je te mets une chanson, okay, dis-moi, comme t'as pas écouté hier soir, à ton avis, quel est le titre original de cette chanson? En tout cas, le nom du chanteur. Alors? Ah, je vois vraiment pas. Mais si. Et moi, je peux essayer? Ah bah, vas-y, de quoi? De jouer? Ou de faire le bruit? De quoi? Non, ça va, non. Ah. Bon, tu vois pas ce que c'est alors? Alors, plus simple, attention. Okay. Il faut savoir que Toff fait tout ça en direct, hein. Évidemment. Attention. Alors? Non, pour ce jeu-là, je suis naze. Mais c'est ça! Ah oui! Bienvenue sur Fun Radio, le son. Merci Flore. Pour le coup là. Bon, si vous voulez jouer donc au karaopé, hein, inscrivez-vous maintenant là. Donc comme je le disais, sur le standard 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Déborah, tu n'as pas été mauvaise, tu as été très mauvaise. Ouais, très mauvaise. Ah, totalement mauvaise. Bon, c'est pas grave. On va s'écouter le son de Fallwad là, t'as déjà entendu ça avec Changes? Ça ressemble un peu à Backer Matt, tiens, écoute, c'est ça. Peut-être que ça te parle. Tu me diras justement dans un instant. Il est minuit 15 sur Fun Radio. Bienvenue, Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h. Eh ben voilà, Fun Radio à l'instant sur Fun Radio avec Changes. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit. Eh ben oui, on est là tous les soirs hein, de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. On est là le dimanche soir également de 20h à minuit. Et il y a Kina 86, donc Xina, voilà, sur le Twitter qui dit merci pour le Claude François, ça me fait penser à ma daronne qui est fan. Bah écoute, avec plaisir. Il y a l'ours solitaire qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iPhone qui est disponible là, sur iTunes. Donc allez la télécharger si vous voulez. La prochaine prochaine fois que je rencontre la femme Fontaine, je filme et je te l'envoie et je t'envoie la vidéo. Bah, tu peux l'envoyer à Toff, hein. Moi c'est avec pas trop mon délire. Plaisir. Geoffrey qui dit la meuf avec qui je suis en ce moment m'interdit de sortir sans elle. Et à chaque fois que je parle à une fille, je m'en prends une. Ah bah sympa. Et puis Fabienne également sur le Twitter. Hello les meilleurs animateurs des ondes. Merci oui. Fabienne. Fabienne et Didier, c'est les deux qui nous ont envoyé le chocolat. Oh là là, voilà. Bouffé, hein. Ah bah il est encore là, je peux te le dire. Oulala. Trop bon. Bon, retour avec Vivienne en quelques minutes qui voulait réagir à Alexandra. Alexandra donc qui est en guerre avec son mec, puisqu'elle devait aller à l'anniversaire de son ex. Il avait dit ok. Et puis bah le jour J, il a dit ah, il est pas question, là là là, depuis c'est la guerre. Donc si jamais ça vous est déjà arrivé d'être sur de sortir avec des casse-couilles, et bien n'hésitez pas à nous en parler. Et puis nous allons également récupérer Déborah qui voulait savoir si la prostate chez les hommes était bel et bien un point G. Donc pour résumer, est-ce que vous vous êtes déjà fait mettre un doigt dans le fion les mecs? Et pareil pour les filles, est-ce que vous avez déjà mis un doigt dans le cul de votre copain? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez fait sans prévenir, en prévenant, en demandant? C'est lui qui a demandé, c'est vous qui avez voulu. Donc bah appelez-nous mademoiselle. 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Mais avant ça, on va récupérer Dina. Dina? Oui. T'as jamais mis un doigt dans le cul de ton mec? Non. Jamais? Il a jamais demandé non plus? Ah non. Ah bon, d'accord, ok. Bon, je voulais savoir. Dina, bon, t'appelles de Rouen, toi, et tu avais une colle à poser. On va donc appeler maintenant quelqu'un qui a été sélectionné. S'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds, le netbook. Si jamais il ne décroche pas ou qu'il ne donne pas la bonne réponse, Dina, c'est toi qui gagne. D'accord ? Ok. Allez, on y va, on l'appelle, et n'oublie pas qu'après, tu dois me dire d'où vient cet accent. Parce que soi-disant, ça avait un rapport avec la réponse à la colle, il fallait pas le dire, je sais pas quoi. Donc... je suis impatient de donner la réponse de cette colle. Ouais. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Ouais, Florian. Florian, il y a Dina qui est avec nous là, qui a une colle à te poser. Vas-y, ouais. Dina. Oui, deux anneaux, deux coteaux et un clou au milieu. Qui suis-je? Ciseaux. Ouais. Eh ben voilà. Impeccable. Eh ben bravo, hein, le netbook est pour toi, félicitations. Merci. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux, tu vas d'abord rester au standard puisqu'on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, d'accord? Ok, merci. Salut à toi, passe une bonne soirée et n'oublie pas de prévenir qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio avec les amis. Eh ben tant mieux, parfait, ben refais-le, on sait jamais. Salut à toi. Bonne soirée, bonne nuit même, ciao. Bon Dina. Oui. Bon, c'est perdu, mais c'est pas grave, hein, la prochaine fois. Bah oui. Oui, je peux juste passer un dédicace, vite fait. Non, d'abord, tu vas me dire d'où vient cet accent. C'est une colle pour vous. Non, t'as dit que tu le dirais quand on avait donné la réponse, c'est fait. Alors, de Tatarstan. De quoi? Le monde de ronde, le Tatarstan. Le Tartarstan? Ah ouais. Mais c'est vers la Russie, tout ça, là? Ouais. Chez les Tatars. Ouais. Mais si, c'est ça, Azerbaïdjan, tout ça. Tu te fous de notre gueule ou c'est vrai? Non, c'est vrai. T'es une tatare. Oui. C'est vers l'Ukraine, mais c'est où, dis-moi? Non, c'est pas vers l'Ukraine, là, c'est trop loin. Mais c'est où? Je sais pas, vous connaissez un peu l'Universiade et tout ça, non? Le quoi? J'ai l'impression qu'on parle, tu sais, dans quand on était sur Terre, mais tu sais, en 1200, quand il y avait les pays, c'était pas les mêmes encore, tu vois. C'est... Attila! C'est au beau milieu de la Russie. Alors, en fait. Connaissez-vous l'équipe de foot Rubin? Mais non! Rubin Kazan? Ah voilà! Ouais, oui, oui. Et c'est là? Ouais! Mais c'est bien vers la Russie! C'est au plein milieu de la Russie! Ce que je te dis, c'est que t'es une russe! Ah d'accord, ok! Ah non, je suis pas russe, je suis tatar! Ouais, enfin bon, tu viens de là-bas quoi! C'est comme nous, on est européens, bah toi t'es russe! Steak tartare! Non, mais il y a une différence quand même! Il y a une différence quand même, d'accord, ok! Mais tu ressembles à une russe alors? Ouais, genre blonde. Non, elle est bridée. Comme des Asiatiques. Je suis brune. Mais tu ressembles plutôt à quoi? Plutôt à une Asiate? Plutôt à une Européenne ou une quoi? Entre les deux. Non, je suis black. Ah merde. C'est là, on était bien con quand même. C'est bon ça. D'accord, ok. Bon bah écoute, Dina, désolé, hein, toi, ce serait fait un plaisir de venir te livrer l'ordinateur. Dans une yourte? Est-ce que tu vis dans une yourte? Non. Ah bon, d'accord, ok. Bon bah écoute, merci Dina. Mais je vois pas le rapport avec le ciseau, cela dit. Hein. Mais il y en avait pas en fait, hein. D'accord. Votre gueule. Non, mais écoute, parce que comme t'as dit, je te donne pas la réponse maintenant. Je te dis pas d'où je viens maintenant, parce que sinon, ça donnera un indice. Pour embrouiller un peu les gens. Ah, d'accord. Je vais essayer de gagner. D'accord. Bon, bah Dina, je te fais des gros bisous quand même. Oui, je peux faire en dédicace quand même. Allez, bah vas-y, t'auras gagné ça, vas-y, vas-y. Un gros gros bisou et un bonne vie à mon chéri, à mon petit gros qui attend là tout de suite et qui m'écoute à l'autre bout de la ville. Et il t'attend, donc là tu vas aller chez lui. Bah oui. Tu vas te faire casser les pattes arrière? Non, bah, je sais pas, on verra. On verra, d'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. Essaye de lui mettre un doigt dans le cul pour essayer, pour voir, et tu nous rappelles. Moi, je sais pas, je verrai. Non, mais vas-y, ça se trouve, il va kiffer, on sait pas. Vas-y, en direct live. Oh ouais, et si vous êtes une meuf, si vous êtes en couple là maintenant, et que vous voulez essayer, non mais vraiment, là, ça peut être énorme. Vous m'appelez maintenant, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous m'appelez, donc vous êtes un garçon ou une fille en l'occurrence, et vous m'appelez et vous essayez en direct pour voir si vous allez avoir mal ou pas. Moi je veux bien essayer en direct aussi hein. Ouais mais non bah t'as qu'à demander à Top Apollo, il va te mettre un doigt dans le fion. Ah non, je peux pas. Avec une photo en plus. Ah bah regarde la cochonne là. Oui, je veux. Bah t'as qu'à venir toi. Bah oui. Ah bah ça nous limite alors. Bah oui, bah justement, bah, viens, voilà. Bon bah appelez-nous hein, je compte sur vous. J'espère qu'on aura le truc avant 2h du mat là. Vous mettez en condition. Et de toute façon, vous pouvez changer votre prénom, on s'en fout, hein, même votre ville, nous on s'en bat les couilles. Tant que ça arrive en vrai, on vous reconnaîtra pas, on fait de la radio, pas de la télé. Donc on a le petit. Eh voilà. Mais Nagui il fait ta C'est drôle ça. Tartartara. Salut Dina. Oh j'y sais. Wow. Allez gros bisous, je t'embrasse. Ciao. Dans un instant, le karaopé. On fera ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis il y a d'abord Alexandra le retour. Alex. Oui. Ah voilà, Alex qui nous avait appelé parce que en gros donc c'est la guerre avec son copain. Il a dit que tu pouvais aller à l'anniversaire de ton ex avec qui t'as couché hein, accessoirement. Et en dernière minute il a changé d'avis depuis c'est la guerre. Il y a Vivien également qui est avec nous de Châteauroux. Salut Vivien. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien Vivien, sois le bienvenu. Alors Vivien, tu voulais réagir toi par rapport à Alexandra? Ouais, parce que j'ai vécu sensiblement la même histoire en fait avec mon ex. Ah bah vas-y, fais péter, explique-nous. Bah en fait, elle était super jalouse, j'avais pas le droit de sortir voir mes amis sans Quelle elle. Quelle horreur. J'avais pas le droit de voir mes potes même avec elle, je n'avais le droit de voir que ses potes à elle. Ouais, qui était relou. Qui était relou par ainsi de suite et qui n'était que des filles. D'accord. En plus, c'est-à-dire que franchement, tu devais te faire chier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, ce qui a fait qu'on s'engueulait H24, on n'arrivait même plus à se parler, c'était que des engueulades. Ouais. Vas-y, continue, hein, nous, c'est parce qu'on fait pas à chaque fois oui ou quoi qu'on n'écoute pas. Non, non, c'est que je croyais que ça avait coupé, j'ai un problème de réseau, donc... Ah non, t'inquiète pas, on t'entend très bien. Et donc, qui par la suite, cette fille m'a quitté pour partir avec un de ses meilleurs potes. Oh, c'est bon, ça. Donc, voilà, je me suis privé de tout pour elle, pour rien. Mais ça sert à rien, mais c'est oui. Ça. Ça ne sert à rien, tu es sorti avec une... Ouais, t'as enculé, salope. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais voilà, même avec une... C'est une grosse salope. Voilà, non mais c'est vrai, il y a un moment, faut pas faire ça. Il faut trouver un bon équilibre, faut pas se priver de tout, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Oui, bah ouais. Bah tu vois, Alexandra. Alexandra, il y a un moment, faut lui dire les choses. Je lui dis, écoute, tu m'as dit oui. De toute façon, j'ai même pas à te demander ton avis. Si j'ai envie d'aller à l'anniversaire d'un pote, je vais à l'anniversaire d'un pote, point barre. Si t'es pas content, c'est le même tarif. Sans compter qu'en plus il a pas arrêté de marteler le message alors sachant très bien que j'étais pas du tout en état de répondre quoi donc Mais franchement il y a un moment non mais il y a un moment faut les mettre dès le début les mecs ou même les meufs faut les mettre au pas. C'est pas la peine de commencer à répondre oui à tout ce qu'ils veulent ou elles veulent. C'est qu'à un moment voilà tu peux faire un effort évidemment mais il faut quand même pas déconner quoi. En même temps, c'est ce qui est arrivé à Vivien, hein. Elle l'a mis au pas direct. Hein. Ah bah ouais, elle l'a mis au pas, mais lui il était dedans directement, là, ça c'est clair. Hein. Bah merci Vivien en tout cas d'être passé. Hein. Merci, bonne soirée. Bah reviens quand tu veux Vivien, à bientôt à Châteauroux, salut, à salut. Bientôt. Ciao. Salut. Bon, Alexandra, reste encore avec nous, on va également prendre Déborah là dans quelques minutes. Bon, Déborah. Oui. On devrait avoir l'avis de mec et de fille dans quelques minutes par rapport à ton problème. Enfin, c'est même pas un problème, par rapport à ta question. Non, donc, voilà. Tu voulais savoir si la prostate chez les hommes est un point G. Donc, les garçons, les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre un doigt dans le fion de votre copain ou de recevoir les garçons? Donc, appelez-nous. Qu'est-ce que vous avez pensé, kiffé, pas kiffé? On en parle dans quelques minutes avec vous en direct. Et si vous voulez tenter pour la première fois, si vous êtes en couple là, et que vous voulez tenter pour la première fois en direct à la radio d'insérer votre doigt dans le fion de votre mec, pour voir comment est-ce qu'il va réagir, n'hésitez pas, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique, comme je le disais, 02 851 4x0. Dis-moi, Déborah, t'as pas un mec là? Si, j'en ai un. Ouais. Eh ben, mais il est avec toi, Déborah, là? Ben en fait, j'ai peur de lui mettre un dans le cul. Non mais d'accord, mais il est avec toi là, présentement? Non, il travaille, donc il dort là. Oh, dommage. Mais justement, mieux encore. Hey, tu... Et pendant qu'il dort, t'arrives tout doucement, là, comme ça, tranquillement. Et puis là, hop. Je pense pas qu'il va aimer. Oh. Mais tu dis, eh, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, pardon, excuse-moi, je devais aller dans le frigo. Bon, reste avec nous, Débo. On va prendre Alexandre qui va donner son avis dans quelques minutes. Et puis, on va se faire le karaopé avec Margot, avec Vanessa, avec Arnaud, avec Esteban. Bonsoir, vous quatre, comment ça va? Bonjour. Oh, c'est beau ce bonjour collégial. Margot qui vient de Pierrelatte dans la Drôme, c'est ça? C'est ça. Vanessa, 19 ans de Paris. Oui, c'est ça. Esteban de Marseille. Eh ouais. Allez, oh. Paris. Et Arnaud de Paris. C'est ça. Oh, ça oui, va. Oui, eh, ça vous fait pas mal au cul, Arnaud et Esteban, de faire équipe alors Paris-Marseille? Ouais. Bah, on va gagner va. Paris. Bah, ouais, mais non, parce que là. On joue ensemble, donc. Là, il y a Marseille aussi, donc bon, forcément, c'est, on verra. Hein. Bon, restez avec nous, en tout cas, les gars. Là, on va jouer dans quelques minutes. Margot et Vanessa, bon, vous restez là aussi. On va se faire le karaopé. Vous avez écouté hier soir ou pas? Oui. Tout le monde a écouté? Oui. Ah, toi t'as pas écouté, Esteban. Très bien, bah, c'est pas grave. On va résumer dans quelques minutes. Et vous aviez trouvé ou pas les extraits? Oui. Oh, vous étiez doué. Ouais. Vous étiez doué, très bien. Bon, eh ben on va remettre le couvert dans quelques minutes. Ne bougez pas de là. On va s'écouter le son. Ah tiens, on l'avait demandé le son là. Comment il s'appelle encore le truc? Ibranovski avec Vicious. Voilà, Ibranovski avec Vicious. On vous l'avait fait découvrir il y a. La semaine dernière, je pense. Ouais, une semaine. Ouais, je pense que c'est la semaine dernière. Et on avait demandé de le remettre. Bah, on va le remettre maintenant, du coup. Allez, c'est parti. Hein. Vous avez été nombreux à le demander sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël Ibranovski. Maintenant avec Vicious sur Fun Radio. Il est minuit 30. C'est la nuit sans pub et c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h. Prévenez vos potes. Il y a enfin un truc à écouter à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et voilà le son de Vicious Ibranovski à l'instant sur Fun Radio avec Didier qui dit du son qui déchire, des animateurs au top, Mickaël No Limit, c'est tout ça. Alors venez délirer avec nous, bah, merci Didier pour la promo. Julien également qui dit trop beau son, c'est quoi le titre? Et bah voilà, c'est Vicious et le nom c'est Ibranovski. Julien, Secret Key qui dit ah du bon son tout ça, bah ça c'est cool. Et Ludivine également qui avait envoyé son message qui dit moi je laisse sortir mon mec, mais un pied de travers je lui pète les deux jambes, il marchera plus de sa vie. Waouh. Ok, bah, il est prévenu. Ah bah au moins il est prévenu, mais bon quand même, quelle violence malgré tout. Bon, il est minuit 35 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, bienvenue si vous venez de débarquer. On va parler paix maintenant avec ce nouveau karaopé justement, quelque chose de magnifique, hein, quelque chose d'extraordinaire. C'est hier qu'on a découvert un nouveau jeu, donc le karaopé, grâce à une chanteuse d'opéra là qui s'est fait virer à cause de ses paix. Et comme hier, bah, vous allez devoir reconnaître des chansons dancefloor ou pas. Grâce à CP. Ah. Pour jouer, il y a Margot, il y a Vanessa, il y a Arnaud, il y a Esteban. Vous êtes là tous les quatre? Oui. Ouais. Parfait. Ouais. On va donc jouer ensemble maintenant. Le principe est très très simple. Attention, j'ai déjà reçu des appels de plusieurs stations de radio qui veulent me racheter le concept. Bien évidemment, on a dit non. Hein. Bah, c'est normal, ça. C'est normal. Voilà, on est tellement fiers de ce nouveau jeu, le karaopé, qu'on peut pas comme ça le brader à d'autres radios, même le vendre pour de l'argent d'ailleurs, il n'est pas question qu'on le vende. On va donc jouer, on va faire deux équipes comme hier, hein. Une équipe de filles, une équipe de garçons, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors, attention, Margot et Vanessa, Arnaud et Esteban, il faut donner son prénom avant de donner la bonne réponse, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Et je sais que je devrais pas, mais il y a que lui qui a un écran et moi d'ailleurs, mais c'est Toff qui va voir les petits viewmètres, les petites lumières pour savoir lequel va crier en premier. Parce que comme vous êtes quatre, c'est pas facile de vous départager, mais ne vous en faites pas. Dès qu'il y en a un qui part, on voit une petite lumière comme ça à côté de son nom qui s'allume et on sait que c'est lui qui l'a dit en premier. D'accord? Je surveille. Voilà. D'accord. Donc, on guette. Bon, Margot, Vanessa, une équipe. Arnaud, Esteban, deuxième équipe. Et à votre avis, laquelle va gagner, les filles ou les garçons? Dites-le nous d'ailleurs. Hein. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, balancez vos messages maintenant. Et puis vous pouvez aussi, donnez vos avis sur le Facebook de l'émission facebook.com/mickaëlofficiel. Alors attention, on y va. Premier extrait, le premier qui a la réponse donne son nom bien fort. Attention, c'est parti. C'est un duo. Alors quelqu'un veut tenter sa chance? Vanessa. Bon, alors Margot? Non, Vanessa. Vanessa, excuse-moi, Vanessa. Ouais, je dirais... Rihanna et Shakira, non? Rihanna et Shakira. Alors on réécoute. Ah bah non, c'est pas ça. Alors ouais, on... ça a rien à voir, ça. Ah non, rien à voir, rien à voir. Alors, vous avez pas trouvé? Aucune idée. C'est un son qui passe non-stop sur Fun. Allez, je vous mets une merde du son avec le bon son. Alors écoutez bien. Margot. Daft Punk. Ah non, ah, Daft Punk était déjà hier. Je vous le remets un tout petit peu plus longtemps. Arnaud. C'est Timber de Pitbull et Kesha. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon allez, titre suivant maintenant, vous êtes prêts? Ouais. 1-0 pour les garçons maintenant, Arnaud et Esteban. Vous voyez, le duo Paris-Marseille marche plutôt bien pour l'instant. Ouais. Bon, on y va, deuxième extrait, c'est parti. Attention, vous pouvez jouer aussi sur le Twitter si vous voulez. Mettez vos réponses si jamais il y en a qui mettent de bonnes réponses, on sait jamais. Hashtag Mickaël, pareil sur le Facebook, on vous attend, venez nous rejoindre. facebook.com/Mickaël officiel. Deuxième extrait, écoutez. Ah, c'est plus facile celui-là. Allez. Bon, c'est une chanson en français. Ouais, mais... Alors là. Non, il est archi facile. Voilà. Allez. Si la ouais, allez, vas-y, on la remet. Ah. Ouais, Margot. Vanessa. Margot. Putain, comment je fais? Bah, Vanessa. Claude François. Voilà, putain, n'importe quoi. C'est un son qui passe sur Fun. Bon, je vous mets les mecs. Eh oh oh, Arnaud et Esteban, ouais. Y a quelqu'un ou vous dormez là? Ouais, bon, alors je vous mets un petit bout, mais attends, mais hier vous avez trouvé super facile. Alors écoutez, je vous mets un tout petit bout. Margot. Maître Gibbs Bella. Je préfère la version paix, moi. Ouais, moi aussi, ouais. Yeah. Ouais. Ah, moi j'ai marqué. Ah ouais. Bon allez, son suivant, je vous donne directement un indice, sinon ça vous allez pas vous en sortir. C'est un artiste Fun Radio évidemment et un DJ, et donc forcément c'est de la dance, d'accord? D'accord. Okay. Alors écoutez bien, pour l'instant c'est un partout, on y va, on remet le couvert. Vanessa. Ouais, Vanessa. Avicii. Bien vu. Oh. Ah, deux pas mal. On va quand même en profiter, hein. Voilà. Bon, bah très bien. Et c'est pas mal. 2-1 pour les filles. Eh les mecs, vous avez bien démarré là, puis après vous êtes devenus mauvais, hein. Bon, alors ouais, attention. Bon, son ouais. Suivant, écoutez bien. Là, je vous donne pas d'indice tellement c'est facile. On y va. 2-1 pour les filles. On continue. C'est une meuf qui chante. Mon langage P, c'est pas compliqué. Ah, une meuf et une ricaine. Une américaine. Rihanna. Rihanna, non, c'est pas la bonne réponse, Vanessa. Là. Bon, je vous remets un petit bout. Ah, c'est je sais. Esteban. Lady Gaga. Ouais. Hey, quand vous l'entendez, ça frappe mieux, hein. Ouais, on comprend mieux. Bon, alors 2-2 pour l'instant, c'est bon. Oh, c'est égalisation. Bon. On dirait que vous l'avez fait exprès, c'est magnifique. Le dernier qu'on écoute maintenant, qui va gagner départagisation. Oui. C'est beau ça aussi. Très beau. On va départager, donc attention, le premier qui a la bonne réponse donne son nom bien fort. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Allez les filles. Et ça, c'est pas du son qui passe sur Fun Radio, écoutez bien. Il est bon celui-là. Esteban, Esteban, Esteban. Indochine. Indochine, bien vu. Ça, c'est du son dance floor, là. Fut un temps. Ça te donne envie de danser, ça. Alors, écoutez bien. Tel aventurier solitaire, Batman est le roi de la terre. Voilà. Eh ben nickel. Bah nickel, je sais pas, mais en tout cas c'est gagné pour les mecs. Bravo. Eh ben on est au top là ou pas là? Eh, Paris-Marseille a gagné, vous êtes bons là quand même, hein. Vous êtes pas mal. Bon les filles, vous êtes quand même bien battues, hein. Bravo ouais, à vous quand même. Merci. Bravo à vous. Bon, j'ai la possibilité de faire une dédicace. Mais bien sûr Margot, allez vas-y. Ouais, vas-y. Je voudrais faire une dédicace à Florian de Moulins sur Allier et je lui fais des gros bisous. Très bien, il y a pas de problème Margot, je te fais des gros et bisous. Moi, je peux en faire une. Bon, eh bah vas-y évidemment Vanessa. Moi j'en fais une à Cédric d'Éternay. D'accord, bah le message est passé Vanessa, je te fais des bisous. Merci. Salut Vanessa, okay. Bientôt. Oui Arnaud. C'est possible d'avoir un pack fait. Bien sûr, avec plaisir, on va vous envoyer ça cool. Sans problème. Salut Arnaud, salut Esteban et bravo les salut. Mecs. Allez Paris, salut, allez Marseille. Ouais. Allez l'OM, allez l'OM, allez pas le Paris Saint-Germain. PSG. Mais oui, évidemment. Bah, salut à vous deux en tout cas, à bientôt. Hein. Salut. Ciao, bye bye. Salut. Allez, restez sur Fun Radio. Eh, attendez les mecs, partez pas là, partez pas. Arnaud et Esteban. Et Margot aussi, tiens, bon on a perdu Vanessa au passage mais c'est pas grave. Avant qu'on reprenne Déborah dans quelques minutes, est-ce que Arnaud t'as déjà pris un doigt dans le cul toi ou pas? Non. Jamais? Non. Par ta meuf, c'est genre pour non. Point G. Et toi Esteban? Non plus non. Oh, attends le Marseillais c'est pas frais, problème petit doigt dans les fesses. Ah non pas du tout. Ah d'accord. Et même toi, par Paris. Et toi ah oui bah ça peut être. Et toi Margot? De quoi on m'a déjà proposé de le faire à mon ex et en fait j'ai jamais voulu en fait. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça un peu dégueulasse en fait. D'accord, pourquoi pas, c'est ton droit, y'a pas de problème. Bon bah très bien, mais maintenant moi j'ai eu vos réponses. Bah merci en tout cas Margot, Arnaud et Esteban, passez une bonne soirée et merci beaucoup d'écouter. Bonne soirée. Salut à vous, ciao. Allez restez là, on remet le karaopé évidemment la semaine prochaine, oh là là, vous inquiétez pas. On va entendre parler, y'a Nespa aussi sur le Twitter qu'il y a Indochine, l'aventurier, la seule musique que j'ai reconnue. Trop forte Vanessa, c'est Gourvan qui avait envoyé le message. Grâce à Mickaël, la France va devenir un pays d'insomniaque. C'est Dédé qui avait envoyé le message. Oh bah je pense que vous étiez déjà bien parti. Hein. Fabien aussi, Mickaël No Limit est la seule émission qui réunit dans la même équipe le PSG et l'OM. Exactement, vous avez vu un peu quand même, c'était et ça, beau. C'est beau. Hein. C'est beau. Et Laetitia qui dit jamais je mettrai le doigt dans le cul de quelqu'un. C'est dégueulasse. Burk. Bon, bah, allez, on va continuer à en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Là. Restez avec nous. Il est minuit 45 sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez débarquer. C'est Mickaël No Limit. On est en direct bien sûr jusqu'à 2h du mat. Et puis on va s'écouter le son de Pharrell Williams pendant qu'on essaie de toujours trouver un couple qui est d'accord de tester pour la première fois que sa copine lui mette un doigt dans le fion en direct à l'antenne pour voir un peu la réaction et voir un peu comment ça se passe. Évidemment, c'est pas pour notre plaisir, c'est parce que nous sommes une équipe d'investigation et que Déborah nous a appelé parce qu'elle voulait savoir si elle devait le faire ou pas. Elle veut savoir si c'est réellement un point G. Et comme elle l'a demandé, bah, nous avons décidé d'investiguer. Bah, et s'il faut, je peux donner de ma personne. Donc évidemment. Si quelqu'un veut venir le faire, il n'y a pas de problème. Bien entendu. On a un stagiaire là. Bah, aussi en plus, c'est vrai. Allez, on écoute Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy sur Fun. Bonne nuit. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio, c'était Happy. Minuit 50 sur Fun, bienvenue. Il y a Aslutic sur l'application Mickaël No Limit sur iTunes, hein, disponible pour iPhone, iPod et iPad, qui est disponible gratuitement. Allez la télécharger, vous pourrez écouter l'émission, réécouter les podcasts, participer à l'émission, être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission et c'est gratuit. Donc Aslutic qui dit j'ai un pote qui est homo et il paraît que c'est bien le point G. Bah il paraît, mais on cherche à tester en live. Il y a Renaud aussi qui dit tu arraches tout, Mickaël. Bah merci Renaud et le prince Nadia aussi ce soir jeudi dans tête à tête en compagnie de Mickaël No Limit et c'est vraiment sympa. Oh bah merci Renaud, c'est gentil. Bon on va faire d'autres appels avec Toff. Mais allons-y, moi je suis prêt. Puisque je rappelle que nous sommes tombés sur cette information là, une meuf là, qui a décidé donc d'échanger une fellation contre la plus belle Christine Mac, qui a décidé d'échanger une création Lego contre une pipe. Voilà, une petite pipe comme ça, petite fellation. Exactement. Donc on appelle maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier. On est tombé sur quelqu'un de très charmant tout à l'heure. Trop charmant. Allez. Allô. Oui, bonsoir. Hey. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir contre quoi je pouvais échanger une pipe avec votre femme. Vous voulez parler à ma femme? Si vous voulez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, c'est pour quoi? Bah c'était pour une pipe. Va te reculer, connard. Bon, on va la rappeler, hein, la madame. Ah, oui, oh là là, elle est tellement gentille. Allez, c'est parti, on y retourne. Puis on récupère Déborah, Alexandra aussi dans quelques minutes, Kylian, Mickaël, Mamadou aussi qui est là. Allez. Allô. Oui, si, je suis là, allô. Oh merde, putain, elle a raccroché. Oh. C'est-à-dire que l'autre, elle dit allô, il n'y a plus personne. Hop, elle raccroche directement. Bon, on la rappelle. Allez hop, on y retourne. Allez. Oui, allô. Allô, je suis là. Allô madame. Oui. Oui, je suis là, vous m'entendez? Qu'est-ce que tu veux? Mais je voulais savoir contre quoi je pouvais vous l'échanger cette fellation. Écoute, va te faire enculer, connard. Oh non madame. Ah si, il va te faire enculer. Ah bah oui, ça c'est bon. Attends, on va la rappeler encore une fois. Pendant ce temps-là, il y a Laetitia qui vient d'envoyer un message sur le Facebook. Il dit première fois que j'écoute et je trouve ça génial. Au passage, pour le doigt dans le cul, c'est horrible, Burke. Laetitia, appelle-nous pour qu'on en parle. En plus, c'est la première fois que tu viens. Bah très bien. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Laetitia, je compte sur toi. Tu nous appelles, tu passes à l'antenne sans problème. Allez hop, on rappelle notre ami Corse de nouveau. Là, c'est parti. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que vous avez? Ben, j'étais en communication avec votre femme. Oui. Et je voulais lui demander en fait contre quoi elle échangeait une fellation. Fellation de quoi? Ben je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut pour me faire une pipe quoi? Allez vous faire enculer. Oh non. Allez, monsieur. Oh non. Allez. Oh non, c'est pas de ça monsieur. Ah bah si, il y aura de ça, là je pense que c'est fait. Hein. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on appellera encore une fois tout à l'heure ailleurs. Hein. Si vous avez envie qu'on appelle chez les gens, si vous connaissez les gens encore debout à cette heure-ci et qui sont un peu rock'n'roll dans leur tête, hein, comme eux par exemple, n'hésitez pas à donner les numéros sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Il y a Seb qui dit la vedette canadienne Justin Bieber devait arriver à Toronto mercredi pour répondre à une accusation de voie de fait contre un chauffeur de limousine. Oh là là, décidément il y en a sur la gueule lui. Hein. Et Secret Key qui dit Mickaël, l'ex de la sœur de mon ex. Wow. Alors, l'ex de la sœur de mon ex, ok d'accord, est tombé sur un mec qui aimait qu'on lui mette un doigt dans le cul. Ça fait quand même loin, Secret Key, quand même, hein, pour donner ton avis là-dessus. Hein. Ce serait bien de la voir, l'ex de la sœur de ton ex. Et Thomas également qui dit, moi j'ai déjà pris un doigt, hein. Ça me fait plus mal qu'autre chose. Après, il faut voir comment ça a été fait. Ah, hein. Faut pas y arriver comme un bourrin, il faut préparer. Hein. Il faut préparer, il faut mettre le lubrifiant. Toujours. Voilà. Comme vous disiez, un grand sage. Mais il faut évidemment préparer. Bon, on va continuer à parler avec Déborah, là, des doigts dans le cul, évidemment. Voilà. Alors, Déborah. Ah oui, écoute. Déborah? Oui, je suis là. Ah, très bien, toujours là. Parfait, Déborah. Alors, tu nous avais appelé parce que tu voulais savoir si la prostate chez les hommes était le point G réellement. Donc, on avait demandé s'il y avait des mecs qui avaient déjà testé. Et bonne nouvelle, nous avons Mickaël avec nous maintenant de Soulsmat dans le Haut-Rhin. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, l'équipe. Comment bonsoir. Ça va? Ça va impeccable, vous? Bah, écoute, j'ai envie de te dire plutôt pas mal. On est fiers ici, non? On est plutôt très très bien, effectivement. Exact. Allez, musique allemande. Ah. musique de choucroute, on y va. Voilà la choucroute. Alors Mickaël, tu voulais parler de doigts dans le cul. Voilà, exactement. Bon alors on t'écoute. Alors en fait, ça s'est passé avec mon ex. Ouais. Qui était un peu bizarre sur les bords donc. Ouais. Et un jour... Bah, elle était alsacienne en même temps. Ça ouais, veut rien voilà, dire. Ouais, c'est ça. Et donc elle m'a proposé un jour, discrètement quoi, elle m'a dit, est-ce que je peux te caler un doigt dans le cul? Mais ça va parce qu'elle est venue, elle t'a prévenu avant. Ouais, elle t'a prévenu. Ouais, voilà, elle m'a prévenu quand même. Ça aurait pu être la petite surprise du chef. Alors, ben ouais. Et moi, voilà, ouvert d'esprit comme je suis, ben j'ai dit, écoute, pourquoi pas. D'accord, t'es plutôt effectivement très ouvert, très, très, très, très open. Très, très open, effectivement. Et donc, en faisant l'amour, elle m'a pété un doigt dans le cul, clairement. Non. Mais un doigt bien profond dans le trou de cul. Non. Lequel? le majeur? Le majeur dans le cul. Sans... Lui, on a perdu sa bague dedans. Oh, dégueulasse. Oh, on connaît bien la touche allemande. Non, mais dis comme ça, ça a l'air hardcore, mais franchement, dis... Mais la question, c'est t'as kiffé ou pas? mais franchement, j'ai surkiffé. Ah merde, tu vois des beaux. Le truc hier, c'est qu'elle me... Enfin, je lui faisais l'amour. Et bon, voilà, les gémissements, les trucs. Et elle me pète le doigt dans le cul, quoi. Et là, je sais pas si elle a touché justement la prostate ou j'en sais rien, quoi. Mais j'ai giclé en elle, j'ai même pas pu limite contrôler, quoi. Ah ouais, c'est parti comme ça directement. Ah, c'est parti, mais... Ah putain, c'est bon, ça. Attends, Mickaël, il y a Alexandre aussi qui est avec nous de Bellevue, là, en Loire-Atlantique. Salut, Alexandre. D'accord. Salut. Comment ça va? Ça va, tranquille, comme une sorte de travail. Bon, ah, tu fais quoi dans la vie? Cuisinier. Tu fais quoi? Cuisinier. Ah, cuisinier. Ah, bah, curé, moi. Cuisinier, c'est ça, hein? Ouais, curé, je me suis fait caler un doigt dans le cul, ouais. Oh, tu sais, il y a des curés qui font des trucs avec... Enfin bon. On ne sait jamais. Ouais. Bon, tu cuisines où? T'as ton resto ou c'est quoi? Ouais, j'ai mon resto, ouais. Ah bah très bien, bah, faudra nous dire, on passera, Alexandre. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah attends, avec plaisir. Tu cuisines quoi? Tout. D'accord, eh bah écoute, on viendra deux fois, alors c'est parfait. Bon, Alexandre, tu voulais parler de doigts dans le cul? Ouais, bah pour en revenir à comment Mickaël, c'est ça son prénom? C'est Déborah et puis Mickaël qui avait réagi, ouais. Ouais, bah pour en revenir à Mickaël, en fait, ouais, c'est grave kiffon. Bah ouais, grave. Mais t'as, ouais, c'est passé comment, chez toi, Alex? Moi, ça s'est passé, c'est en fait, j'étais à une soirée, ouais. Et là, je me suis tapé, en fait, la mère de mon meilleur ami. D'accord. Oh putain, normal. Il est bon, lui, Alexandre, hein, rock'n'roll. Hein. Et du coup, j'avais 16 ans et elle en avait 42. Non, oh là là. Ouais, musique allemande. Ah, choucroute pour fêter ça. Et bon, 5 litres de bière pour tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, j'ai pas osé lui en parler à mon meilleur ami, tu vois. Ah, sans déconner. Bah oui, écoute, j'ai testé le doigt dans le cul, c'est génial. Ah bon, avec qui? Bah avec ta mère. Voilà, du coup, tu vois, maintenant, il y a un petit froid, tu vois, entre nous deux. Ah bah oui, là, ouais. Il y a un doigt qui signe. Ouais, c'est ça. Ouais, une barrière, quoi, ouais, un doigt. Ouais. Mais pour en venir, autrement, ouais, c'était grave kiffant, tu vois, mais elle m'a pas prévenu, en fait. Elle m'a fait ça au niveau du moment, en fait, on va dire de la fin, quoi. Et en fait, ça s'est fini par un facial, quoi. Ah ouais, mais ouais, t'as dû être pris sur le truc. Ah ouais, bah elle aussi, elle a dû être prise. Tu sens rien, tu vois, bah elle, ouais, bah après, voilà quoi, après elle a vol, elle a fait des choses de ouf. Mais vous étiez où? Bah directement dans sa chambre, ouais. D'accord, et elle t'a pris comme ça, hein, pas t'as mis un wad? Ouais, non, bah ça a commencé au début de la soirée, on commençait à se chauffer, tu vois. Ouais. Mon meilleur ami, il est parti se coucher avec sa meuf. D'accord. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul avec sa daronne, sauf que sa daronne, elle est trop bonne, quoi, laisse tomber, quoi. Bah oui, là tu m'étonnes. C'est la couillard, quoi, c'est la vraie couillard. Et donc du coup t'as essayé le doigt machin, t'as kiffé? Ouais, franchement, ouais. Franchement, bon, ouais, ok. Attends, on va demander. Mais moi également aussi, j'ai kiffé, hein. Oui, bah oui, bah je me doute, c'est bon. Tout ça pour dire qu'il a... C'était elle, tu vois, qui faisait cet effet-là. Ouais, mais voilà, mais toi t'as demandé, toi, c'était pas gratuit, c'était pas offert. Ah non, j'ai pas demandé, moi, c'est arrivé comme ça. Ah non, comme c'est moi, c'est... la poste, tu vois. Moi, c'est la meuf qui m'a proposé, ouais. Première fois, la meuf, elle m'a dit, ouais, écoute, voilà, la prostate, machin, ça fait, tu vas voir, tu vas kiffer. Déjà, ce tapetoff, mais lui mettre un doigt dans le fion, quand même. Et donc, la meuf, mais par contre, moi, elle s'était lubrifiée les doigts. Et donc, du coup, c'était super agréable, parce que ça glissait nickel, quoi. Ah ouais, ça glissait, ouais. Ah bah, très bien. Attends, il y a aussi Corentin avec nous, là. Salut, Corentin. Salut. Comment ça va, Corentin? Ça va. Bon, tu nous appelles aussi pour, qu'est-ce que tu fais, Corentin? Il se met dans le cul. Tu fais quoi là, Corentin? Je suis en direct là. Non mais t'es sérieux? Ah si, c'est sérieux. Ah c'est bon ça. Attends, mais t'es avec ta meuf là? Elle est en haut, là, je suis en bas. Attends, t'es avec ta meuf? Ouais, elle est en haut, moi je suis en bas là. Et tu vas mais elle est au courant là? Non, elle dort. Ah, tu vas la réveiller? Voilà, je vais essayer de... Chérie, mets-moi dans le cul. On va essayer de faire ça discret. Bah ouais, parce que le but c'est que c'est elle qui te le mette, hein. Ouais, c'est elle, hein. Ah non, mais pas dans le cul. Bah, bon, écoute, tu peux essayer dans l'autre sens si tu veux, hein, mais bon, t'es ou pas? Non. Bon, alors vas-y, essaye en direct, attends, vas-y. Bon, si ça coupe, c'est que je suis au téléphone. Oui, bah oui. Ça coupe, c'est que je suis au téléphone. Non, c'était pas voir. Ouais. Tout le monde souhaitait. Moi, je passe le téléphone sur la tête. Vas-y. En mode commando. J'ai un psycho. Tu dors, chérie. Alors. Elle va gueuler. Tu dors? J'ai envie de dormir. Oh, c'est bon ça. Chut. T'es en train de roupiller là. Envie d'essayer? musique. Bon, là. Oh! Quoi, ça a coupé? Oh merde! Oh là là! Oh merde! Déception totale! Oh, Toff l'avait déjà demi-molle! Ah, mais oui, là, j'étais déjà prêt à la sortir! Oh merde! Bon, on va le rappeler en direct alors. Oh là là! Oh, je suis sûr qu'il a fait exprès, c'est pour nous mettre en chien, ouais, là. Merde! Ah non, Corentin, là, tu vas pas nous laisser comme ça? Ah oui, papa. Ah bah ça, il a eu le cul de sa meuf là maintenant, c'est bon, maintenant Ah on est plus là nous. Là il est en train de lui claquer la fesse. Mais oui. Et nous on existe. Merde. Ah dommage, c'est un répondeur. Bon bah tant pis, si vous voulez tester vous aussi, là vous êtes chez vous. N'hésitez pas à appeler nous maintenant si vous êtes avec votre copain ou votre copine là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, on vous attend. Oh là là, oui, qui m'a appelé? Ouais, j'ai une question. Est-ce que sa meuf elle est au courant ou pas? Eh ben non, on peut pas savoir. Ton mec, il est au courant ou pas? Non, mais pas par rapport à ce qu'il sort. Ah, Déborah? Ouais. Ah, je sais pas, Déborah. Mais de quoi il veut dire par rapport? Est-ce que tu... Ah, tu en as parlé, que tu voulais lui mettre un dos dans le cul ou pas? Bah écoute, d'abord, je veux savoir si c'est bon. Bah visiblement, après, oui. Hein. On va envisager, tout simplement. Voilà, visiblement, mais non, mais oui. T'as pas besoin d'envisager, dis-lui pas. Franchement, dis-lui pas, autrement tu vas le faire flipper, tu vois. Dis-lui pas, ah. Vas-y, cache. Tu rentres direct. Ouais, c'est ça, vas-y direct. Bon, Déborah, reste avec nous. Déborah, reste avec nous. Il y a Kylian, il y a Johan aussi qui voulait réagir. Alex et Mickaël, merci à vous en tout cas d'être passé. Hein. Merci. Ouais. Ah, s'il te plaît. Oui, Mickaël. Dédicace qui pue. Bah, bien sûr. Merci. La saucisse. Je voulais juste passer une grosse dédicace qui pue à mon ex qui vient de me lâcher juste ce matin comme une grosse merde. Non, merde. Et oh la connasse. Merde. Très bien. Bah le message est passé. Vas-y Alex. Il y a moyen de gratter un pack fun. Ouais, tu vas gérer ça chez Sandro, je te la repasse direct, y'a pas de problème. Merci. Salut, ciao à vous, salut, merci d'être passé, à bientôt les gars. Bah, ciao. Bientôt, bon bah Débo reste avec nous, Alexandra voulait réagir aussi dans quelques minutes. Kylian, on aura Johan, on aura Mamadou également. Et puis on va se mettre le son de Shakira maintenant sur Fun Radio avec Rihanna. Can't remember to forget you. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. C'était Shakira sur Fun Radio avec Rihanna. I can't remember to forget you. Restez là aussi, je vous cale le nouveau son de David Guetta également sur Fun Radio dans quelques instants. Shut me down. Voilà, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. À suivre, évidemment, il y a des messages. Il y a Xina86 qui dit trop excellent, Mickaël. Vous êtes des oufs, sérieux. Et Jean-Philippe, depuis l'application Mickaël No Limit, qui dit dommage, on aurait pu avoir un fourrage de doigts dans le cul en direct. Mais oui, on est déçus. Et Megumi aussi, sur le Twitter, qui dit Toff et Polo, enlevez tout de suite vos mains de vos caleçons. Je vous vois pas, mais je vous connais. Lol. Bah oui, ça c'est sûr, hein, je te le confirme. Et India également, le gars qui veut mettre un doigt dans le cul de sa meuf en direct. Non, mais c'est vraiment No Limit. Bah oui, là pour le coup, mais il a pas été au bout des choses. Et c'est dommage. Et Christophe également, et le gars en mode furtif va mettre un doigt dans le cul de sa meuf, franchement il est vraiment trop puissant. Oui, bah là il a pas été jusqu'au bout, ça a coupé, je sais pas, peut-être qu'il s'est fait, en fait peut-être que la meuf a pris le téléphone et lui a mis en pleine gueule, ça c'est possible aussi. Ah non, là il est de retour. Corentin, bah ça va pas. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mangé une gifle de votre côté. Non merde, putain. Pourtant t'as été classe et tout, t'as dit ouais j'ai envie de toi et tout, blablabla. Ouais, c'est mignon, moi j'avais trouvé ça beau. Bon, franchement ouais, t'aurais fait ça à Toff, il aurait dit ok. Ah ouais, moi direct, cool. Tu me mettais toute la main. Hein. Ah, je voulais faire un fils. Hein. Oh, dégueulasse. C'est quoi ce trou là, mais c'est l'autre. Et... Là, je vous ai entendu rigoler et puis elle m'a dit c'est quoi la musique. Du coup j'ai éteint le téléphone direct. Oh putain. Et là en raccrochant, elle m'a mis une claque. Ah bah voilà. Bon, t'as même pas pu mettre une petite cartouche? Ouais, même pas. Oh putain. Oh, bah, réessaye. Chérie, je suis désolé, je voulais m'excuser. Allez, vas-y, Corentin, tu dis je m'excuse et tout, tu réessayes en même temps et hop. Ouais, ça marchera pas. Oh merde, dommage. Bon bah un autre jour, Corentin, tu nous rappelles alors. Bon bah, ah bah oui, voilà, c'est ça, tu peux essayer demain, oui, sans problème. On va essayer. Ça roule. Bon bah salut Corentin, merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Ciao à toi, bye. Bon bah les autres, si vous voulez tester, bah n'hésitez pas. On va terminer maintenant avec Déborah. Et avant ça, on a Mamadou avec nous, la 27 ans de Vichy. Salut Mamadou. Salut, tranquille, vous allez bien? Eh bah très bien, et toi Mamadou? Salut Mamadou. Bon, dis-moi, je sais que tu n'appelles pas pour ça, mais est-ce que t'as déjà essayé le doigt dans le cul? Va te faire foutre. Bah non mais... Je me fous pas de toi, c'est parce qu'on en parle maintenant là. Oui, j'ai fait, mais va te faire foutre quand même. D'accord, ok, très bien, Mamadou. T'as essayé, de quoi? T'as déjà essayé le doigt dans le cul, toi? Ah non, j'ai pas essayé, mais voilà, c'est pour ça que je posais la question. Avec un peu de beurre, ça passe bien, ça. Avec quoi? Du beurre. Avec un peu de beurre, mais attends, il a essayé avec du beurre, lui, apparemment. Oui. Ça s'est bien passé, ouais. Ah bah, plus tu mets de beurre, plus ça glisse. Il paraît, il paraît. Bon, qu'est-ce qui va pas, Mamadou? Il y a rien qui va pas, en fin de compte, là. J'ai baisé une meuf. Ouais. Tu m'entends bien, là? Ouais, je t'entends bien, ouais. J'ai baisé une meuf, tu vois. On était au lit tranquille. La baisse. Le truc, il est au chaud. Le truc, moi, c'est quoi le truc? C'est le père des enfants. Essaye de comprendre quand même. Oh, ah. La bite. Ouais. Donc t'étais dans le four, quoi. Ouais, c'était dans le four au chaud, mais moi je ressentais aucune sensation. Non. Oui, franchement, je le jure sur la tête de ma mère. Mais comment ça se fait? Mais t'es sûr que t'étais dedans? Peut-être, ça se fait. Mais la fille, là, peut-être, elle avait une sensation vers moi, mais moi j'avais rien. J'étais en train de aller. Mais combien mesure l'engin? Bien alors, comme ça, mais rien à faire. J'avais pas de sensation, j'avais rien. Mais la meuf, elle était là avec un plaisir immense. Mais je me disais, mais c'est quoi ça? Transpiration qui coulait sur elle, et rien. Mais comment ça se fait? Mais c'est la première fois que ça t'arrive, Mamadou? Ça prenait le temps de finir. Mamadou, oui. C'est la première fois que ça t'arrive? C'est pas la première fois, hein, au moins une dizaine de fois. Ah bon? Mais combien mesure l'engin? Le mien? Bah oui. Oh, je peux pas te le dire, ça. Bah quand à peu près, 10, 15, 20, 30. Non, c'est Mamadou, 30. Et c'est une cheval, quoi. Ah ouais, Mamadou. D'accord, mais et la meuf, donc du coup, t'as simulé? Non, mais on prend une pause. À chaque instant, on prend une pause. Ouais, mais quand elle te suce, faut que tu te branles, t'as du plaisir ou pas? Non, mais quand elle me suce, c'est plus tranquille, c'est encore plus meilleur. Ah, là c'est bien, mais c'est quand t'es à l'intérieur que tu t'en fous, que ça te fait pas de... Tu kiffes pas. Ah, c'est marrant ça, tiens. T'as déjà eu cette offre? Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Bah non. Et pourquoi c'est comme ça, ça? Bah je sais pas, on fait le tour là, chez nous ça nous est jamais arrivé. T'es peut-être passé sur le matelas en fait. Bah peut-être, ouais, t'es peut-être pas dedans. Mais sinon moi avec la meuf qui était un peu fontaine, c'est vrai que quand elle avait donc le moment où elle lâchait tout et donc que ça te coulait sur les cuisses et tout, c'est vrai qu'à ce moment-là tu sens plus grand chose, que forcément c'est archi lubrifié. Ah, quoi. Ça se trouve, Mamadou, le truc est noyé. Il est noyé dans le lubrifiant. Voilà, c'est ça le souci peut-être, parce que peut-être ouais. Elle kiffe trop la meuf avec toi, Mamadou. Voilà, peut-être c'est une femme fontaine. Non mais c'est vrai, hein. C'est pas la première, hein. Parce que déjà pris avec une deuxième meuf là, mais franchement. C'est pareil. Bah, ce que tu fais, c'est que... Elle joue trop vite avec moi, là. Bah ouais, mais tu la baisses. Une fois qu'elle a joué, elle te finit à la bouche, et puis on n'en parle plus. Mais moi, j'ai pas encore fini mon plaisir, moi. Mais non, mais c'est pour ça, elle te finit à la bouche. Jamais, pas à la bouche. Mais non, lui, il veut terminer naturellement, quoi. Bon, attends, Mamadou, reste là, on va demander si c'est déjà arrivé à d'autres mecs. Tiens, appelez-moi, là, maintenant. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. On va en parler dans quelques instants. Tiens, est-ce que vous avez déjà fait un truc de ouf là pour celle que vous aimez? Laquelle? Non, mais j'en sais rien. Une meuf que t'aimes bien ou un mec, peu importe, je m'en fous. Ouais, mais ouais, enfin. Non, ouais, j'ai fait des trucs pour des meufs, mais. Non, mais alors. T'as fait quoi? Bah, donne un exemple. Ça dépend, va au fond de ton truc. Bah, non, je veux pas aller au fond de mon truc d'abord, hein, tu vas te calmer. Non, je veux d'abord savoir qu'est-ce que t'as déjà fait. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Il y a une fois, j'ai dormi devant chez elle. Ouais. Ah oui, le fameux où t'as dormi toute la nuit avec le décédé en boucle. Oh. Voilà, c'est ça, j'attendais. À l'époque, j'étais à Paris, donc j'ai retraversé, j'ai fait 300 km et donc. Elle avait coupé son portable, donc je pouvais pas lui dire que j'étais là. Je pouvais pas sonner, sinon j'allais réveiller ses parents. Donc j'ai dormi toute la nuit jusqu'à ce qu'elle allume son téléphone et qu'elle voit que j'étais là, quoi. Quel bouffon, hein. Mais c'est pour ça, depuis je fais plus ça, c'est elle qui dort devant chez moi. C'est ça, c'est ça. Non, je viens de voir la vidéo d'un Parisien qui a fait 8500 km pour retrouver sa copine. Il a traversé l'Atlantique pour passer Noël avec sa petite meuf, tranquille. Parti 2 semaines à Cancun. Levé à 5h30 du matin, dans le froid évidemment. Il enchaîne l'avion, le taxi, le bateau pour rejoindre sa meuf. Bon, je sais pas comment ça se fait qu'il a pris le bateau pour arriver à Cancun, mais bon, soit. Sauf s'il atterrit en plein milieu de l'Atlantique et après il a pris un bateau pour comme escale, mais normalement il n'y a pas de bateau à prendre. Mais enfin bref, c'est pas grave. Et puis après, tout ça pour passer 48 heures avec elle et puis il est rentré. Alors que la meuf, c'est pas comme s'il habitait là-bas et qu'il était en chien, on est parti 15 jours en vacances. Ah, le mec, il était. Et le mec, il était tellement ouf. Hop là, c'est parti. Donc, du coup, je voulais savoir. C'est mignon. Bah oui, bah j'ai pas dit le contraire, mais je voulais savoir, du coup, bah, ce que vous avez déjà fait de plus ouf par amour. Voilà. Donc, appelez-nous maintenant. 01 42 48 5000. 02 851 4x0. Et puis, le hashtag est Mickaël sur Facebook, sur Twitter. Tapez Mickaël officiel pour m'ajouter. C'est avec un grand plaisir que je vous suivrai également. Il y a Adeline qui dit par amour pour mon ex, j'ai quitté Reims pour rejoindre Carpentras dans le Vaucluse. 865 km quand même, Aline, c'est pas mal. Mathieu qui dit vous êtes les meilleurs, je vous adore, merci beaucoup. Et Geoffrey sur le Twitter, bon, je vous confirme, le doigt dans le fion, c'est bon, mais ça surprend. Testé, fait il y a même pas 10 minutes avec le plan cul. Ah, oh, mais Geoffrey, il fallait nous appeler, oh. Merde. Ah, je suis déçu. Oui. Non, là, ça va pas. Ah, je suis déçu. Jérémy aussi qui dit le mec est juste fou, tu dors, chérie. Allez hop, un doigt dans le cul. En direct, j'ai envie de toi. Mais ouais. Et Secret Key qui dit il y a bientôt plus des mecs romantiques comme ça, c'est dommage. Mais s'il y en a encore, t'inquiète. Mais oui, je suis là. Mais oui, mais oui. Bon, on va récupérer Déborah pour terminer là. Débo. Oui. Bon, qui voulait savoir si la prostate chez les hommes était réellement le point G. Il y a Kylian, 17 ans à Paris, là, qui voulait réagir. Salut Kylian. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, ben bienvenue Kylian. Alors, toi, tu voulais réagir aussi par rapport à Déborah, donc? Ouais, je voulais réagir parce qu'en fait, moi, je suis gay. Et ouais. J'ai déjà mis un doigt à mon copain. D'accord. Bah, tu l'as mis un peu plus quand même. Ah, non, j'ai juste mis le doigt. Ah, d'accord. Toi, d'accord. C'est toi qui fais le... T'es passif? Je suis passif, ouais. D'accord. Et d'accord. Je l'ai mis. Et comment doigt, ça se passe quand... j'ai une question. Comment ça se passe, en fait? Quand vous êtes passif, actif, vous tirez à la courte paille. Bah non, mais t'as des mecs qui sont tous passifs et voilà. C'est ça? Bah non, c'est pas ça. C'est que quand t'es gay, je sais pas, ça se fait naturellement en fait. Mais si tu tires la courte bite. C'est le plus petit, il peut y aller. Si deux actifs se rencontrent, ils ont que le 69. Non, après il y a aussi auto-reverse. Auto-reverse. Oh, les bons là. Auto-reverse. Dis donc, c'est pour ceux qui n'ont pas connu, c'était quand on avait des lecteurs à cassette. Et donc, pour éviter de devoir sortir la cassette, la mettre dans l'autre sens, il y avait l'auto-reverse. Voilà. Ce qui fait que quand on arrivait à la fin de la bande, hop, ça se remettait dans l'autre sens. Et du coup, on lisait la bande B. Enfin, la face B plutôt. C'était révolutionnaire. Ah, ben, c'était la folie totale. Et donc, toi, tu as décidé que t'étais le passif, donc tu prends dans le yonf. C'est ça. D'accord, ok. D'accord, ok, bon, très bien. Et donc, du coup, toi, t'as essayé avec ton mec, alors? Voilà, donc il n'arrivait pas à bander. Et donc, on m'avait dit de mettre un doigt dans les fesses, que ça pouvait aider pour faire bander. Donc, j'ai essayé, et ça a marché. Ah bon? Bon, après, quand j'ai enlevé le doigt, il y avait du caca sur le doigt, mais c'est pas grave. Merci, merci beaucoup. C'est, hein. C'est pour ça que je le dis, je continue. Lubrifier avant. Ah ouais. Parce que ça permet à ce que la merde ne colle pas sur les doigts. Merci, Toff. Oh putain. J'avais lubrifié. Hein. Ah ouais. D'accord, bah il faudra peut-être qu'ils se lavent un peu mieux alors. Le pire, hein, c'est que quand on met le doigt, des fois on peut sentir une petite crotte. Bon, écoute Kylian, c'est gentil, merci pour tous ces détails très intéressants. Non, ça, il a raison, c'est quand tu mets le doigt, parfois tu sens qu'il y a un truc. Non, c'est bon. Attends deux secondes, il y a Johan aussi qui est avec nous d'Agen là. Salut Johan. Salut l'équipe, ça va? Comment ça va et vous? Bien, mais toi, tu peux me tutoyer, hein, pas de problème. Oui, mais oui, c'est vrai, mais je disais vous en même temps dans l'absolu pour tout le monde, mais oui, évidemment Johan, ça va bien. Alors Johan, toi tu voulais aussi réagir, t'es le dernier là par rapport à Déborah. Ah, chouette. Ben moi, ça m'est arrivé suite à un examen médical. Ouais. Je pensais, je suis allé voir un urologue pour un petit souci et bon, il n'y avait rien. Et je pensais que ça allait être serré, le mec, il allait m'arracher le coup de balle et que ça allait pas rentrer. Et ben mon pauvre, il a mis le gant, je me suis sur la table. Et d'ailleurs, vous êtes prêts? J'ai pas le temps de finir, mon pauvre, il était déjà dedans. Il était déjà en train de te fouiller. C'est vrai? Voilà. Ouais. Et ça m'a pas spécialement dérangé, tu vois. Ah bon? Et là je me suis dit merde, il y a un problème. Putain, c'est clair. Ça m'a interloqué, ça m'a interrogé là. Et depuis t'as demandé à ta meuf de le faire aussi ou pas? Non, mais de temps en temps, tu vois, quand je me lave la douche, ça m'arrive de pousser, de me le mettre, et puis voilà. Ah, tu fais solo toi alors? Ouais. Mais tu devrais demander à ta meuf, regarde, il y a des meufs comme Déborah là qui sont elles en demande. Elle n'est pas open pour que je lui fasse, donc je vois pas le principe que de moi lui. Ah ouais, c'est ça. Si toi tu l'encules pas, elle t'encule pas. Oh, voilà. Je suis d'accord sur le concept. D'accord, voilà. Ok. C'est soit on se met tous des doigts, soit personne. Non, mais écoute, pourquoi pas. Bon, tu vois, Déborah, dans l'absolu, c'est plutôt positif. Il n'y a pas un seul mec qui a dit non, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, je pense que, effectivement, après que Déborah, elle en parle avec son mec, et qu'elle lui brise bien le doigt, quoi. Parce que sinon, Aïe, aïe, grand-bas. Bah, c'est ça, hein. Eh, mais c'est beau, c'est un beau message de paix. C'est vrai que si on pouvait tous se mettre des doigts dans le cul, ça ferait le tour, de, oui, du, tour du monde comme ça. Voilà. Exactement. Allez, commence. Un allez, message de paix, d'amour et d'amitié. Bah, merci, voilà. Johan. Merci, Kylian, d'être passé. Ouais, bah, merci à vous. Ah, et par contre, pour Déborah, tu préviens quand même ton mec, parce que si tu lui fais sans prévenir. Ouais, ouais, surprise ça, voilà. Et pas avant le cul. Exactement, ouais. Bon, bah, merci Kylian, merci Johan. Une dédicace à tous les conducteurs routiers qui roulent de nuit, voilà. Eh ben, on embrasse tout le monde et bon courage et prudence surtout. Salut Johan, à bientôt, merci beaucoup. Ouais. Hein. Ciao. Bye. Déborah, bah, voilà, j'espère que t'as la réponse à tes questions. Bah oui, je suis gentil, merci. Et si jamais ton mec veut pas, tu dis, hein, Toff passera à Charleroi avec plaisir. Mais oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, Déborah, combien mesures-tu? Ah ouais, 60. Combien pèses-tu? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B, pas MM. Et la taille de ton pantalon? Non, non, c'est rien, c'est Toff qui se fait un kiff tout seul, t'inquiète pas. Et la scientifique. Et c'est pas grave, hein, tu peux l'insulter, tu peux dire va te faire enculer, tout ça, y'a aucun problème, hein, tu peux vraiment le faire, fais ton plaisir. Il y en a plein qui le font comme ça, tu vas regarder. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, tu vois, tu n'hésites pas surtout. Hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? T'as compris, plus de pute. 40, ça dépend, 40, 42, mais j'ai un. Comme on dit, j'ai un cul d'un black. Ah, c'est ça, un petit cul bien rebondi, comme voilà. Ça, tu mets des bonnes fessées. Voilà. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, Toff, tu vois, nique ta mère, t'as compris maintenant. Bon, et eh ben voilà. Écoute, tiens-nous au courant, Déborah. Hein. Ok, ça va. Bon, ça roule, je te fais des bisous en tout cas, salut tout le monde, à bientôt. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Retour avec Alexandra, il y a Maxime qui voulait réagir par rapport à toi, Alexandra, donc reste avec nous. Mamadou, bonne nouvelle, on a trouvé Ibrahim qui a le même problème que toi, a priori, donc il va peut-être te donner des conseils. Donc tu restes avec nous, Mamadou. Il n'y a pas de souci, peut-être c'est doux. Comment? C'est doux. Il est Mamadou, c'est doux. Mamadou, c'est doux, c'est doux. C'est ah, doux. Mamadou, c'est doux. Publicité, là. Bien sûr, c'est le slogan publicitaire, oh, Mamadou, il n'y a pas car de problème. Pas dur. Bon, allez, reste avec nous, Mamadou, là. Il est 1h20 sur Fun Radio, on est en pleine nuit, c'est Mickaël, No Limit. Dites-nous ce que vous avez fait aussi par amour, hein, pour votre copain ou votre copine. Quel est le plus beau truc que vous avez fait? On en parle. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est David Guetta maintenant et Shut Me Down. I was 5 and he was 6. David Guetta sur Fun Radio avec Shut Me Down. C'était le son de David Guetta. Il y aura Demi Lovato dans quelques minutes. Il est 1h23 du mat. Là, on est encore ensemble pendant une grosse demi-heure. Donc profitez-en si vous voulez nous appeler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous appelez, vous passez l'antenne. Hein, on ne veut pas du cinéma. Il y a Xina86 qui dit Mickaël, par amour pour toi, je reste éveillé. Je bois tes paroles. Je suis attentive jusqu'à 2h. Si ça, c'est pas une preuve de fidélité. Oh. C'est vrai, Xina. Et je te remercie d'ailleurs. Je te fais des bisous. Il y a Kevin. Ça doit être parce que je suis belge que je trouve ça dégueulasse. Pourquoi Kevin Le doigt dans le cul, je pense. Ah, je sais pas, mais non, Kevin, y a pas de raison. Yartoff est belge aussi, pourtant. Ouais, moi, j'adore ça. Et voilà. Il y a Devers45 qui dit Mickaël, jamais de la vie je demanderai à ma meuf de mettre un doigt dans le cul, c'est hard et ça ne sera jamais mon kiff. Pourquoi pas? Il y en a qui sont fermés à ça, y a pas de malaise. Hein. Clara qui dit, quand tu entends ton meilleur ami sur Fun Radio en train de raconter des choses immondes. C'était lequel, Clara, là? Dis-nous lequel c'était qui racontait des trucs que tu trouves immondes, en tout cas. Thierry aussi, par amour, je me suis marié. Quelle erreur. Ouais, j'arrête pas de le dire. Ah ouais, Megumi qui dit oh merde, le mec me fait ça pendant que je dors, je lui coupe avec un sécateur. C'était par rapport à Corentin tout à l'heure là, qui a été voir sa meuf pendant qu'elle dormait pour essayer de lui. Enfin d'essayer de lui mettre une cartouche quoi. Ouais. Sandra aussi qui dit on m'a dit écoute Mickaël sur Fun et je regrette pas car tous les soirs c'est l'éclat, tu Mickaël tu déchires et Toff, tu es au top, j'adore ta voix. Eh ben, écoute, tu ne peux adorer que ça Sandra. Bon allez, merci, Jérémy aussi Sandra. Qui dit première fois que j'écoute et vous êtes sympa et burcle dans le cul, c'est Jérémy de Caen. Ben, merci Jérémy de Caen, merci et bienvenue sur Fun Radio surtout. Bon allez, tous les messages, vous envoyez ça maintenant, ça se passe au 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. On n'oublie pas Facebook et Twitter également. Vous pouvez réagir, hein, tapez M-I-K-L, les 4 lettres M-I-K-L officiel pour m'ajouter, pour suivre tout ce qui se passe dans l'émission et réagir en direct évidemment. Bon, allez, on va reprendre Mamadou maintenant pour terminer là. Mamadou. Oui. Bon, qui nous avait appelé Mamadou parce que il a, comme il a dit, a niqué une meuf. Et donc pendant qu'il était dans le four, hein, il ne prenait pas de plaisir. Alors que sa meuf, la baguette ne cuisait pas. Voilà, sa meuf prenait du plaisir et lui pas du tout. Et il y a Ibrahim qui est avec nous également. De quoi Mamadou? Pourtant le truc il est blindé. Bah oui, bah on a compris ça, mais ça ne marchait pas et c'est bizarre. Ibrahim? Oui. Bon alors Ibrahim de Corbeil, tu voulais réagir à Mamadou, c'était déjà arrivé toi Ibrahim? En fait c'était on jouait à faire des bêtises et tout, tu vois. Ouais, tu baisais avec ta meuf, quoi. Bah ouais, tout à fait. On jouait à faire des bêtises. On se grattait, on se giflait. Ouais. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. On jouait au chirurgien contre le malade, quoi, en fait. D'accord. Et voilà, elle m'a attaché les yeux et tout. Elle m'a bandé les yeux. Voilà, moi, je suis là comme un con, je suis couché. Voilà, elle a mis deux sachets de lubrifiant dans le truc, tu vois. Donc, moi, je suis couché tranquille. Elle m'a mis ça. Ok, bah moi, je pensais que c'était normal et tout. Et ça chauffait. Moi, je sentais rien. 5, 10 minutes, 15 minutes, je sens rien. Je dis, oh, mais ça va pas, là. Et pendant 10 minutes, t'as limé, rien. Rien. Rien. Et elle était là, tranquille. T'as vu? Elle était bizarre, ta meuf, quand même. Hein. C'est moi, la meuf qui jouait en faisant je m'inquiète. Hein. C'est un four. Apparemment, il a dit, puisqu'il était au chaud. C'est un four. Et moi, je la remplissais bien, même. Je sentais. tu la remplissais à ras-bord. La grande classe. À ras-bord, même, je suis pas sûr. La grande classe. Et alors, du coup, comment ça s'est fini? T'as trouvé une solution à ton problème ou pas? J'ai vu que ça chauffait. Voilà, il n'y a rien. Donc, j'ai sorti mon canoë. Donc j'ai vu que voilà, ça se fait pour rien. Et j'ai enlevé tout ça et c'était rempli de trucs chelous. Donc j'ai nettoyé et voilà, j'ai remis et voilà, je commençais à bien sentir. Ah ouais, d'accord, ok. Et toi du coup, Mamadou, tu sentais rien, t'avais une capote ou pas? Non, moi je suis sans capote, mais seulement. Elle avait mis tout le lubrifiant dans la capote, dans le capote et tout. Hein. Ah oui, mais ça ne sert à rien, il faut la mettre dedans. Hein. Ah ouais, Bah oui. Elle a mis deux sachets là-dedans, carrément, Ibrahim. Bon, et Mamadou, bon, du coup, on n'a pas de solution là, malheureusement. Hein. Éventuellement, ouais, peut-être, éventuellement, ce que tu peux faire, Mamadou, ce que tu peux faire demain, c'est qu'on peut demander au doc de t'appeler. Lui, il aura peut-être une solution, il aura peut-être une solution au problème. Il n'a pas de solution, même le doc, il n'a pas de solution. Ah, il n'a pas de solution non plus. Bah écoute-toi la bite. La solution, c'est moi-même. Ah bah, il faut la couper. Voilà, t'as pas le choix. Peut-être que son kérékou, il n'arrive pas à rentrer dans la cage de caravane. Dans la quoi? Son kérékou n'arrive pas à trouver la cage de caravane, ça va sous la terre, quoi. Ça va sous la terre, oui. Évidemment. Donc, je pense que nous sommes dans une faille spatio-temporelle. T'as parlé de kérékou? Tout à fait. Voilà. Bon. Mamadou, malheureusement, si jamais il y a quelqu'un qui a une solution pour Mamadou, qu'il nous appelle, n'hésitez pas. Hein. 01 42 48 5000. Bon, ben merci quand même, Mamadou. On te rappelle si on a une solution. Merci beaucoup. Bon, ben je t'en prie. Bon courage à toi, Mamadou. Merci, Ibrahim. Merci, au revoir. Salut, Ibrahim. À bientôt, Ibrahim. Nous sommes effectivement dans une faille spatio-temporelle. Alexandra. Oui. Alex, bon voilà, et je pensais que Maxime voulait réagir, mais en fait non. Quoique, Max. Ouais, Maxime de Lyon là. Dis-moi, est-ce que, je sais que c'est pas pour ça que t'appelais, mais je croyais. Alexandra nous avait appelé parce qu'elle est. C'est la guerre avec son mec, puisque. Elle devait aller à l'anniversaire de son ex. Le mec avait dit oui, et puis finalement, il lui a fait un sketch le jour J. Donc du coup, forcément, il se parle plus maintenant, c'est un peu la guerre. Donc t'as jamais vécu ça? T'es jamais tombé sur une meuf relou? Non, moi jamais. Ah merde, tant pis. Bon, écoute, dans l'absolu, Alexandra, au final, le seul truc que t'as à lui dire, c'est écoute, je comprends pas ton problème. Tu m'as dit oui, j'y suis allé. Quel est le problème? Tu veux qu'on arrête pour ça? Si tu veux qu'on arrête pour ça, bah merci, au revoir. Tu vas voir, il va pas se la ramener. Ah bon, bah alors encore mieux, bah qu'il aille se faire foutre alors. Voilà. Non mais voilà. Il est parti avec un meilleur ami. Mais alors on cherche une solution, mais qu'il aille se faire voir. Mais oui. Tu sais quoi, message de bienvenue pour lui, tiens. Va te faire foutre, connard. Voilà, tu lui mets ça dans la gueule et puis basta, Alexandra. Oh, si j'avais su, alors. Voilà. On s'est pris la tête pour rien. Mais exactement. Et quand tu le revois la prochaine fois, tu lui dis ça encore une fois. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà, et hop, c'est terminé. Bon, Alexandra, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, Alex. À bientôt. Et n'oublie pas de prévenir tes potes au bahut, hein, qu'on est là tous les soirs de 23 à 2h et le dimanche de 20h à minuit. C'est bien fait, il y en a 10 qui vous écoutent de plus là depuis tout à l'heure. Parfait, et on les embrasse. Salut Alexandra, t'es dans quel bahut toi? Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay, c'est ça? Ouais. D'accord, bon, on embrasse tout le monde, hein, qu'ils soient de plus en plus nombreux évidemment. Salut Alex. Salut. Allez, gros bisous à toi, ciao. Maxime qui voulait réagir au premier auditeur qu'on a eu en tout début d'émission. Ouais. Voilà, mieux vaut tard que jamais, Maxime. Hein. Voilà, et donc il nous appelait pourquoi le premier, j'ai oublié. J'étais tombé sur. Mon ex, en fait, c'était une pétitrice des pieds. Ouais, mais attends, l'auditeur qu'on avait au tout début, Ah oui, parce qu'il était tombé avec une meuf qui puait de la chatte. C'est ça. En toute simplicité, en toute classe. Et donc, toi, Maxime ? Bah moi, c'était mon ex, c'était une fétichiste des pieds, en fait. Oh, je déteste ça, les pieds. Oh. Et pareil, mais bon. Mais franchement, ça fait plus de bien qu'on croit. Hein. Oh non, non, mais je peux de pas. Quoi, c'est... De se mettre un pied ? Ah, mais c'est pas moi, hein. C'est genre, quand je disais 6 mois, bah, il me suçait la bite, elle me suçait les pieds. Ah, je peux pas. Je vois pas le kiff que tu peux avoir, quoi. C'est-à-dire que c'est une meuf qui me propose de jouer entre les deux, je veux dire, mon choix est fait. C'est pas grave, mais franchement, c'est agréable, hein. De te sucer un pied ? Bah ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'était agréable, moi, je trouvais. Non, le massage du pied, je veux bien, mais sucer. Ah, le massage, pourquoi pas ? Non, mais même ça, elle le faisait, tu vois, je me branlais avec ses pieds, tu vois. Ah ça, j'ai vu une fois dans un film, la meuf qui branlait le mec avec ses pieds, c'était impressionnant. Non mais après oui, mais c'est faisable. Après, je pense que la branlette avec le pied, ça doit être différent, bien ou moins bien, peu importe. Bah, mais ça me dérange pas le plus. C'est pas ça qui me dérange le plus, c'est la forme du pied. Alors la voir en bouche, mais jamais de la vie. Franchement, non, je pourrais pas. Hein. Non ouais, mais franchement, c'est quand même mieux la main, mais. Ah ouais. C'est une sensation nouvelle quoi avec le pied. Non mais d'accord, et Polo qui aime pas les cunis, tiens, Polo imagine c'est la fin du monde. Tu dois choisir entre sucer un pied et faire un cuni. T'as pas le choix, c'est comme ça. Arrête, c'est dégueulasse. Attends, je demande à Polo. Tu dois choisir, c'est comme ça, c'est impératif. Ah je bouffe une chatte mais c'est. De toute façon, ça sera la dernière, tu t'en fous d'avoir de l'herpès après. Bah oui c'est ça. L'herpès n'aura. Mais non, parce que c'est justement pour sauver le monde. Si le monde sera sauvé. Je fais un cuni, mais. Tu fais un cuni, mais tu n'as donc pas le pied. Ah non, les pieds, c'est quand même sale. Tu peux avoir. Il y a des mycoses, il y a plein de saletés dessus. Des verrues. Ouais. Ah, mais je sais bien. Alors qu'imagine, t'as une verrue sur la bouche, la langue et tout. Par contre, est-ce que cette meuf cuisine avec les pieds ? De quoi ? Coupe la radio, Maxime, comme ça t'entendras plus rapidement. Est-ce qu'elle fait la cuisine avec les pieds ? Parce qu'apparemment, elle a l'air de bien s'en servir. Ah, non, quand même pas. Non. Elle fait quoi d'autre avec les pieds ? Bah rien, c'est juste ça en fait, c'est tout. D'accord. Ce qui est déjà pas mal dans l'idée. Hein. Bah, merde. En fait. Bon bah écoute, bah si tu kiffes, tant mieux Maxime, merci d'avoir appelé en tout cas. Je peux passer une petite dédicace ou pas ? Allez bah vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Bah merci, bah je passe une petite dédicace à Mathieu, Joris, Marie, Romain, Camille, tout ce soutien Priest et tout. Bah, qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne Maxime ? Non mais c'est une seule personne mais elle a plusieurs noms. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Bon, allez, on embrasse tout le monde. Salut Max. Ciao à toi. Allez, à bientôt. On aura Francesco dans quelques minutes. On aura Tim également. On aura Zach pour parler des trucs de ouf que vous avez fait pour votre copain ou votre copine. On fera les appels avec Toff, les derniers de la soirée là, ou de la journée. Faut vous appeler ça comme vous voulez. Hein. Pour ceux qui la commencent, ceux qui la finissent, je sais pas très bien. On fait ça juste après le son de Demi Lovato, Neon Lights. C'est maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit, bienvenue sur Fun. Please steal my heart, cause it's freaking out. Please steal my heart, cause it's freaking out. 2000 Lovato sur Fun Radio, Neon Lights. Tiens, y a Tess qui a envoyé un message, une branlette avec A95D. Mon homme, il kiffe, mais pas les pieds. Ah, tu m'étonnes, bah oui, c'est-à-dire qu'on a choisi entre les deux. Je peux te dire que là aussi... Mon choix est fait. Christophe aussi qui dit il faut dire à Mamadou de baiser avec une chaussette. Et Alexandre. Ouais. Pour Mamadou, le problème c'est que c'est trop lubrifié ou sa partenaire trop large peut-être. Il peut essayer de s'essuyer le pénis pour que ça glisse moins et qu'il ait plus de sensations. Et Jinka aussi qui dit par amour, j'ai lâché mon ex après 7 ans. Je me suis tapé 1200 bornes par week-end pendant 4 mois pour ma femme avec qui je suis maintenant. So sweet. Et Réo Hugo qui dit Mickaël, donc la famille fun, je voudrais la brutie cool, j'ai eu Toff. Et Camille avec un cas qui dit salut bombe de ouf, et Echo également, ils sont là les tarés, vendez-nous du rêve. Et ben on fait ce qu'on peut, en même temps c'est bientôt fini, il reste 20 minutes. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, on parle de ce que vous avez fait de plus dingue pour une meuf ou pour un mec. Qu'est-ce que vous avez fait? Puisqu'il y a un mec qui a fait 8500 km pour 48 heures pour passer le week-end, enfin ce qui reste comme week-end, à Cancun pour aller rejoindre sa meuf, alors que sa meuf était juste partie en vacances 15 jours. Hein. Ouais. Donc mais c'est pas comme si elle était partie. Tellement. Ouais, mais d'accord, mais bon, il y a maman, faut pas déconner quand même. Bon, du coup, personne lui a dit qu'il y avait Skype. De quoi? Oui, mais c'est ça en fait. Hein. Je pense qu'il était peut-être pas au courant. On continue à appeler des gens au hasard, hein, puisqu'on est tombé sur une meuf qui était d'accord de faire une pipe à celui qui lui ramenait la plus belle construction en Lego. Oui. Et donc, moi je vais y passer le week-end pour lui envoyer cette belle construction. C'est ça, donc on va appeler maintenant des gens pour voir ce qu'ils ont à proposer, hein, comme échange justement. Donc c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro que vous avez donné sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va à 1h40, ou presque. C'est parti. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que, enfin, contre quoi je peux vous échanger une fellation? Pardon? Bah, contre quoi je peux vous échanger une pipe? Quel con, alors. Ah bah, très bien. T'as reconnu, toi. Ah ouais, ouais, t'as reconnu. Quel con, alors. Bon, on rappelle. Allez, hop, c'est reparti, retour. Je sais même pas si on était en Corse, là. L'accent était pas très corse, mais... Allô? Oui, allô? Oui. Oui, excusez-moi, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Qui c'est? Je m'appelle Toff. Toff? Oui, c'est moi. Qui c'est Toff? Ben, c'est moi, monsieur. Ben, moi, je vous connais pas, hein. Non, non, mais moi, je voulais savoir contre quoi je pouvais échanger une fellation avec votre femme. Oui, je vais te donner la fellation et autre chose. Elle va te faire enculer et empocher toi, et va. Mais vous voulez me donner quoi, monsieur? Et bon, mon doute est levé, hein, nous sommes en Corse. Bon, on rappelle. Allez. Ben, va te faire enculer, et puis voilà, hein. Oui, excuse-moi monsieur, on a encore été coupé. Bon, écoute-moi. Oui. Tu arrêtes d'appeler. T'as compris? Bah oui, mais on n'a pas défini pour le. Tu arrêtes d'appeler, puis c'est tout. Bah oui, mais pour l'échange alors monsieur. Je veux pas savoir. Tu arrêtes d'appeler. Bah oui, mais l'échange. Hein? Qu'est-ce que je t'ai changé autre chose, moi, tu vas voir. Mais vous voulez m'échanger quoi, monsieur? Hein? Oui. Une balle dans la tête. Tu veux une balle dans la tête? Bah non, monsieur, enfin bon, vous. Alors tu vas te coucher et tu t'as fait toi-même ta fellation, allez. Bah non, monsieur, je préfère avec votre femme. Une balle dans... On l'avait pas faite celle-là. On l'a déjà eu plastiquer le cul, etc. Mais la balle dans la tête. Ah, ouais. On était bien là. Je crois. On rappelle. Ah, on rappelle. Bah oui, oui. De toute façon, c'est toi qu'on va tuer, donc on s'en fout. Bah, justement, j'aurais préféré éviter. Bah justement, allez, c'est parti. On y va. On le rappelle ou la rappelle. Je sais pas qui va décrocher. On va voir. En tout cas, je suis impatient. T'as des culs. Hein. Ah non, monsieur. Enfin. Oh, je m'attendais à une finale beaucoup plus violente. Ouais, t'es de cul, ouais. Va. Oh là là. Oh, dommage. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Merci en tout cas d'avoir filé le numéro de téléphone. On appellera évidemment demain pour les autres, hein, rassurez-vous. Si vous avez d'autres des numéros de téléphone pour qu'on puisse faire nos sondages à la con, n'hésitez pas. Vous faites un petit message sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Bon, on aura aussi Polo contre le reste du monde dans une dizaine de minutes. Ah bah oui, on va parler de doigts dans le cul ce soir, évidemment, forcément. Bah, c'est normal, il adore ça. Mais oui, Polo contre le reste du monde, c'est 5 minutes avec Polo, une émission à l'écoute. Avec Polo. Oui, et une émission à l'écoute des auditeurs. C'est mon but. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment invité à parler, à vous exprimer, à vous confier. Vous serez vraiment écouté par l'animateur qui est également psychologue. Ah. Voilà. Femme psychologue. Polo contre le. Ouais. Voilà. Non, femme psycho. Voilà. Donc si vous voulez participer à cette magnifique émission qui ne dure que 5 minutes en fin d'heure, hein, vers 1h55, 2h grand max, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On a Francesco qui est avec nous de Shell. Salut Francesco. Salut, ça va? Une seule vanne à base de pompe à essence et ça va mal finir. Bon, on y va. Alors, Francesco, sois le bienvenu. Ouais, bienvenue à toute l'équipe. Hein. Alors, bah, merci beaucoup. Écoute, c'est sympa de nous accueillir chez toi. Vraiment, merci beaucoup, c'est cool. Bon, Francesco, qu'est-ce que t'as fait de plus ouf pour une meuf, toi, dis-moi? Moi, j'ai fait 13 500 km. 13 000 bornes? Attends, ouais. Mais 13 000, ça fait quoi? Ça fait Los Angeles, voire plus? Enfin, Thaïlande. Ça dépend dans quel sens, mais... La Thaïlande. Ah, la Thaïlande, bah oui, dans l'autre sens, évidemment, ouais. Oh, ça va, pépère, tu t'es mis bien aller en Thaïlande, là, hein? Ouais, je suis parti 15 jours. Bah oui, c'est ça, tu t'es mis bien. C'était où, à Bangkok? Non, à Phuket. À Phuket, bon, tu t'es encore plus mis bien, sauf si c'était en 2005. Bah... Alors évidemment, tu t'es mis beaucoup moins bien, là, mais... Non, c'était en 2010. D'accord, ok, très bien. Alors, pourquoi t'as fait tous les kilomètres? Elle s'est barrée, elle voulait plus donner de nouvelles, et t'as été pour la reconquérir? T'as été là-bas pour justement concrétiser, ou t'as été là-bas... Enfin, pourquoi elle est partie sans toi, déjà? Non, c'était pour prendre sa main. Elle est partie en fait en vacances avec des copines et c'était pour la demande en mariage. Wow, so sweet. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah non. Oh putain, la salle. Bah, en même temps, elle a le droit de dire non, c'est pas une obligation non plus. Hein. Elle a dit ouais, mais c'est que là, c'est mal fini, là, ces derniers temps, juste avant le mariage. Oh merde, putain, tous les kilomètres pour la demander en mariage, elle dit oui, et avant le mariage, tu foires tout. Oh merde. Ouais. Oh bah bravo. Félicitations, hein. T'es un bon loser, toi. Putain. Ouais, non, mais tranquille. Non mais tranquille, tranquille. Non, choix. Aussi, je me suis rattrapé, donc ça va. Comment ça, t'as trouvé une autre ou tu vas essayer de la récupérer? Non, là, c'est que là, en fait, là, on s'est recontacté, mais c'est parce qu'en fait, pour elle, elle était trop jeune pour se marier, donc en fait, moi, j'ai 23 ans. Ah ouais, et elle? Elle en a 25. Donc en 2010, il y a 4 ans, elle avait 20... T'avais 17 ans? Ah non, 19. Non, 19. T'avais 19 ans et elle 21. Ouais, putain, ouais, donc t'as fait le trajet, quoi. Hein. Ouais, bah j'ai fait le trajet. Bah, non, mais c'est bien, aller, c'est beau. C'est beau. On sent l'amour et c'est ça qui est magnifique. Évidemment. Attends, reste avec nous, Francesco. Reste avec nous. Il y a Tim aussi qui est avec nous de Royal Man Maison. Là. Salut, Tim. Salut. Comment ça va? Bien, et vous? Bah, bien, Tim. Alors, qu'est-ce que t'as fait de plus ouf pour une meuf, toi? Ou pour un mec, moi, hein, peu en importe. Fait, par exemple. T'as changé de prénom? C'est pas cool. Voilà. Non, mais c'est pas grave, je viens de taper Polo, là. Et regarde, il y a Toff qui va lui ouvrir la bouche, là. Et. Ah, pardon. Voilà. C'est fait. Tu as été vengé. On t'écoute. Là, en fait, là, par exemple, ce week-end, je vais passer genre 36 heures avec ma copine et j'ai payé 120 €, sachant que j'ai qu'une bourse étudiante, c'est un peu chaud parfois. Ouais, genre, du coup, t'es obligé de te prostituer pour l'avoir. Ouais. Et bah oui, un petit peu quand même. Ouais, c'est une nécessité, ouais. Oui, mais. Tu payes aussi, c'est pas que pour être avec elle. Tu sais très bien que tu vas pouvoir avoir une récompense. Effectivement, oui. Voilà, c'est comme un chien quand il fait un truc, c'est parce qu'il a un os, hein. Ouais. Et là, c'est parce qu'elle va lui faire des pattes. Mais oui, c'est ça, ouais. Donc, ouais. Et c'est quoi, tu vas faire quoi, toi? Un truc de. Genre massage, tout ça? Non, juste. Enfin, juste, on va passer, on va rester ensemble, on va. Enfin, je sais pas. Non, chiller, vous allez chiller. Ouais, vous allez chiller. Exactement. D'accord, ok. Non, mais c'est bien. Elle le sait pas encore? Si, elle est au courant, hein, mais je fais ça genre une fois par mois, généralement je paye 100 € parce que bon, la SNCF ils font quand même bien péter les tarifs. Ah, c'est que le train là? Ouais, c'est que le train. Oh les enculés, ils pourraient faire un effort. Ouais, voilà. Ah bah ouais. Et donc, encore j'ai une carte de réduction. Hein. Ah bah heureusement. Tu sais, c'est comme c'est comme le train là, le merde, comment ça s'appelle? Le Thalys. Oh là là. Alors excusez-moi les Thalys, hein, mais il y a un moment, s'il y a des voleurs sur Terre, vous avez le pompon. Hein. Ah ouais. Parce que putain, pour demander un prix pareil pour faire si peu de kilomètres, c'est violent. Ouais. Ça fait quand même très très cher le kilomètre. Mais j'ai découvert un truc très très bien pour voyager pas cher sur Thalys. Ah, tu vas sur le toit. Non. non, à 300 km/h, t'étais là. C'est le truc t'attends. Là. T'as le truc qui est là. T'as le pot qui est complètement. Parce que tu vas plus vite que le parachute. Bon, t'es un peu donc, sale. Ouais, et donc ça c'est. Non, en fait, ça s'appelle troc des trains. Troc des trains. T'es sur ton train comme une calèche. Voilà. C'est beaucoup moins cher, mais c'est moins rapide. Le concept est super bien. Enfin, c'est surtout en fait tous les enculés qui achètent les billets à 20 €, tu vois, sur le Thalys. Pourquoi tu les insultes? Parce qu'ils les achètent uniquement pour les revendre. En fait, ils les achètent à 20 € pour les revendre à 35 et. Ah, tu peux acheter. Ah. Bah oui, c'est pas le négatif. Je vais faire ça. Bah oui, bah bien sûr, t'as que ça à faire. Voilà. Donc, mais sinon, après, t'as des gens qui sont un peu plus honnêtes et qui revendent leurs billets au prix où ils l'ont acheté, mais t'en as qui font du bise avec, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc franchement, je trouvais ça un peu scandaleux. Quand tu vois le tarif, tu dis putain, les enfoirés, excusez-moi, ouais, mais il y a un moment, faut quand même pas déconner. Surtout que c'est les dernières minutes où là, ils te. Ah, mais là, ils te surseignent. T'as besoin de prendre un billet. Ah, parce qu'en plus, à la gare, ils te comptent 5 € juste pour le fait que tu viens le chercher à la gare. Ah, ouais, non, c'est clair. Et Eurostar, c'est pas mieux, hein. Bah, non, mais quand je suis d'Alice, parce que moi, je connais, mais après, Eurostar, oui, ça doit être aussi cher, c'est clair. Super cher. Bon, attends, il y a Zach aussi qui est avec nous de Clermont, là. Salut, Zach. Salut! Comment ça va? Ça va nickel! Bon, alors bienvenue à toi, Zach, ouais, 28 ans! Depuis le temps que je vous écoute, ouais, ça fait plaisir! Ah bah écoute, nous par contre on t'entend mal, Zach, hein. T'as le kit Malib là? Ouais, parce que je suis dans le camion, je roule! Ah merde, tu peux pas enlever le kit Malib ou mettre le micro plus près de ta bouche? Putain, c'est non, silencieux! Rien, hein. Là, je vais m'arrêter, mais via l'année je passe, j'ai peur de bloquer là! Ah bah ouais, bah alors arrête-toi un petit peu le temps de comprendre Jérémy, parce qu'on n'entend pas très bien, Zach, ce que tu nous dis! Jérémy qui est avec nous de Toulouse, comment va le Toulousing? Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, Jérémy. Alors, qu'est-ce que t'as fait de plus ouf pour une meuf, toi? Ben, je me suis mis à jouer à Call of Duty, en fait, parce que je déteste les jeux vidéo et tout, et je me suis mis à jouer pour elle. Non, le mec se met à jouer à Call of Duty pour une meuf. C'est-à-dire que là, tu vas voir des milliers de mecs derrière leur radio. Mais putain, c'est sérieux ça? On aura tout entendu. Mais c'est ça, les mecs, ils doivent être en train de râler parce que justement, eux, ils doivent lâcher un peu la Call of Duty parce que leur meuf râle. Et toi, tu détestes les jeux vidéo et tu te mets à jouer pour elle. Ben oui, mais c'est pourri, ça sert à rien. C'est mieux de sortir et tout, non? Bah oui, non, mais ça, après c'est une question de goût, hein. T'es, après t'as des mecs qui aiment bien, des mecs qui aiment pas, des meufs qui aiment bien, des meufs qui aiment pas, peu importe. Mais après voilà, quand tu kiffes, tant mieux. Mais là jouer, c'est dommage, parce que finalement tu joues avec elle pour lui faire plaisir, mais tu kiffes pas. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà dit, mais elle s'en fout un peu, t'sais, elle veut pas jouer toute seule, donc je suis obligé de jouer avec elle. Mais ouais, d'accord, ok, parce que après que tu fasses un truc que t'aimes pas à la base pour faire plaisir et finalement t'y prends un peu goût, un minimum, tu vois, là ça va, mais si tu continues à faire semblant d'aimer alors qu'en fait t'aimes pas, moi ça me ferait chier que ma meuf fasse un truc pour me faire plaisir, si c'est un one shot pourquoi pas, mais qu'elle le fasse sur le long terme juste pour me faire plaisir alors qu'en fait elle, ça la fait chier, quoi. Ouais. Mais bon, après voilà, hein, si ça va, tant mieux, hein. Et donc Call of Duty, toi, pourquoi pas, d'accord, ok. Attends, on va demander à Zach également qui est de retour. Zach, ouais, tu m'attends mieux là? Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Bon, là, je suis descendu. D'accord, alors qu'est-ce que ça fait de plus ouf, toi, pour une meuf? Ah ouais, moi, c'est à tous mes collègues qui se foutent de ma gueule. J'ai fait 12 heures de vol de Clermont jusqu'à Mayotte. Clermont Mayotte. Ah bah oui, je confirme, ouais. Ouais, je vois bien. Ouais. Ouais, j'ai fait 12 heures de vol déjà Clermont, j'ai fait 7 heures de route. Après, j'ai pris l'avion à 20 heures, je suis arrivé à 9 heures du matin là-bas. Putain, tout ça pourquoi? Bah pour rien, elle m'a largué à l'aéroport. Non, c'est comme ça, c'était la première fois en fait, elle faisait. Attends, essaye de parler un peu moins vite parce que franchement, on comprend difficilement. Hein. Déjà, moi avec le cas, j'entends rien, mais alors pense à tes potes camionneurs qui doivent rien comprendre à ce que tu racontes. Ils m'écoutent là. Ah bah, ils entendent rien, ils doivent juste entendre. Voilà. Je coupe, attends, je vais traduire. Voilà, attends, on va mettre l'ambiance. Voilà. Donc là, le mec est dans son camion. Hein. Vas-y, parle. Ouais, je me suis arrêté. Voilà, donc là, il n'entend rien. Voilà, donc c'est parfait. Voilà. T'as vu? Bon, vas-y. En fait, on était en couple pendant un bon moment, depuis 16 ans, depuis le collège. Attends, parce que tu t'es arrêté, mais est-ce que t'as mis un plastique entre le téléphone et ta bouche? Non, c'est pas ça, ça capte mal. Là. C'est, mais ça capte très bien, t'as le kit main libre. Non, je l'ai enlevé. Bah alors, mets-le. Bon, est-ce que tu tiens le téléphone dans le bon sens? Attends. Ah ben oui, c'est sûr. Bon, très bien. Bon, donc du coup, t'as fait Clermont-Mayotte. Ah ouais, j'ai pris l'avion, c'était à 20h à Paris. Et je suis arrivé là-bas, c'était à 9h du matin, quoi. Ouais. Pour ouais. Ben, juste, ouais, c'est fini, hein. Mais maintenant, de toute façon, on est mariés, on a une enfant, une petite fille. Voilà. Oh, c'est mignon. Mais j'ai pas fait la route pour rien, quoi. T'as fait la route pour rien? Ouais, j'ai pas fait les routes pour rien. Il a pas fait... Ah, t'as pas fait la route pour rien. Ah bah non, c'est clair, bah t'as vu Mayotte en même temps. Hein. Rien que pour ça, ça valait le déplacement. Ouais, voilà, ouais, 1 500 € j'ai payé. Ah quand même, ouais, ah bah putain, en business, ça valait le pas quand même, pour 1 500 €. 15 jours en plus. Là, t'étais en business quand même pour 1 500 €. Ah ben non, mais là, c'était l'été, ouais. Par contre, c'était l'été, ça coûte cher l'été. Ah bah oui, ah oui, t'as oui, pris oui. La pleine... Ah bah oui, en écho, 1 500 € ça fait cher quand même. Hein. Ouais, ah ouais, ouais. Moi, il fallait. J'ai serré les dents, hein, mais c'est après quand j'ai tiré mon cou, c'est là que j'ai réfléchi. Ah ouais, bah t'as serré les dents pour y aller, mais elle a desserré les fesses quand t'es arrivé, donc finalement, hein, tu t'en sors bien. Ouais, c'est vrai que le mec, il a niqué son salaire du mois pour y aller. Complètement, ouais. Putain, bon non, ça. Mais ça va, hein. Bon bah nickel. Par contre, je ne regrette pas. Ah bah j'espère bien que tu ne regrettes pas, Zach. Bon, c'est bien. Bon bah merci, Zach, d'être passé en tout cas. Ouais, bah j'ai passé une dédicace à mon pote qui m'écoute là. D'accord. Ouais, c'est tout. Eh ben très bien, eh ben merci beaucoup en tout cas. C'est gentil Zach, on embrasse tous les camionneurs un petit peu partout en France ou en Belgique qui nous écoutent là. Prudent et bon courage surtout. Salut Zach. Ciao, à bientôt. Tim également, merci beaucoup d'être passé. Est-ce que je dois passer une petite dédicace s'il vous plaît? Vas-y si tu veux. Merde. Alors je passe une dédicace à l'UT Paris Descartes, au pub de l'UT Paris Descartes, voilà. D'accord, bah le message est passé, pas de problème. Voilà, salut Tim. Merci beaucoup, à bientôt Tim. Ciao à toi, bye bye. Bon, eh ben voilà, dans un instant, Polo contre le reste du monde. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Il est là pour vous écouter. Ouais. Il est fin psychologue. Ouais, vous avez des questions à lui poser, vous voulez parler à quelqu'un, vous voulez une oreille. Être aimé. Voilà, une oreille qui puisse vous écouter. Eh bien, allez-y. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va faire ça juste après cette belle musique, justement, tiens. Oh. Musique d'amour qui ira très bien avec Polo contre le reste du monde dans 2 minutes. Et Jason Derulo maintenant, Marry Me sur Fun Radio. Bonne nuit. 105 is the number that comes to my head. Le son de Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio. C'était Marry Me. Marry Me. Oh, donc j'ai failli décéder là. Très bien. Hop là, Marry Me donc à l'instant sur Fun Radio. Et puis on va se faire Polo contre le reste du monde maintenant. Attention, musique de Polo contre le reste du monde. Attention, c'est parti. Ah non, ça ne part pas. Musique. À chaque fois, il y a un problème, c'est un truc de ouf. Ah voilà. Ah, cette musique annonce Polo contre le reste du monde, cette émission extraordinaire que vous attendez tous les soirs. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. De quoi qu'il s'agit ? Ça donne envie, là. Monsieur Fourtout dans le... Ah, allô, Polo, monsieur... j'ai envie de te fourrer le cul. Qui es-tu ? Ah, j'ai envie de te fourrer le cul, Polo. Pourquoi, monsieur Fourtout ? Ah, j'ai envie de ton cul, Polo, maintenant. Oh là là, monsieur Fourtout. Juan Allô ? Juan ? Ouais, Juan. Je t'écoute, Juan. Ouais. Vas-y. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Ouais, très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mou. Le petit doigt ! Oui, Polo. Oui, bonjour, petit doigt. Non, je ne te sens pas, petit doigt. Est-ce que tu me sens ? Je descends le long de ta raie. Ben non, mais pas du tout, hein, petit doigt. Trompé de raie, petit doigt. Teddy ! Salut, Polo. Salut, Teddy. Tu sais que j'aime les doigts dans le cul. Ah, je savais pas, Teddy. Allez, s'il te plaît. Ah non, Teddy. Allez. Allez, ça suffit. Coco ! Oui, allô ? Salut, Coco. Salut. Qu'est-ce que tu veux ? T'en as manqué. Oh là là là, mais vous êtes obsédé ou quoi ? Vincent, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Mais avec grand plaisir, comment va monsieur Polo ? Il va bien ? Bon, faut que je t'en dise une bonne. J'ai voulu mettre un doigt dans le cul à une fille ce week-end et à la place, je crois que je lui ai mis un doigt dans le cul, mais sur la ligne anti-relou. Oh là là là là, monsieur Fourtout ! Je te fourre à un doigt, Polo, je te fourre à deux doigts, je te fourre à trois doigts, je te fourre à quatre doigts, je te fourre à cinq doigts. Eh bien, Polo. Tu j'ai vendu, monsieur Fourtout, Juan ! Bah écoutez-moi, moi j'en ai qu'une chose à dire. T'es trop lent. Dans Polo contre le reste du monde, on doit être rapide, on doit être puissant, tu vois, faut y aller. Le petit doigt dans le... Oui, je descends tout doucement entre tes deux fesses. Ah, descends petit doigt, descends. Je m'approche tout doucement de ta petite rondelle. Hop, allez, la suite après. Teddy ! Oui, t'as vu ? Regarde mes fesses. Coco ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ta gueule, t'es trop mou, t'es pas comme ma bite que je vais mettre dans ton cul. Coco ? Oui. Tu es expulsé pour vulgarité. Vincent, le retour. Je propose de mettre un point dans le cul, ça apparemment c'est super excitant. On peut faire ça aussi. Monsieur Fourtout. Moi j'innove, Polo. Je te fourre avec mes orteils. C'est pas mal ça. Juan, de retour. Une batte de baseball. Parfait, le petit doigt. Là je commence à titiller. Oh tout. Là là, tu m'excites. Teddy. Ma langue. Hé hey, Teddy. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mettre ma langue. Oh là, mais t'es sale, Teddy, tu es sale. Vincent, pour terminer ce Polo contre le reste du monde. Une belle raquette de tennis. Parfait, je vais essayer ça ce soir. Monsieur Fourtout, pour conclure. Je te chatouille l'anus avec mon sourcil, Polo. Parfait, avec plaisir. Juan. Je te mets les deux aiguilles de l'horloge dans ton cul. Eh ben, c'est pas mal ça, mais tu me diras comment tu fais. On essaie ce week-end ? Éventuellement. Rendez-vous est pris. Et Teddy, pour terminer. Salut coquin. Salut coquin, salut. Oh là là, il m'a saoulé. Le petit doigt. Oh là là, calme-toi. Oh là là là. Bien, ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Vous l'avez vu, tout en finesse, tout en douceur, on s'est mis bien. Bien sûr, voilà. Évidemment, comme d'habitude. Ah bah oui. Ah bah oui, vous avez pu remarquer, il est à l'écoute. Bah, je ne fais que ça. Je suis à l'écoute, j'aime les gens. À l'écoute de son prochain, voilà. On remet le couvert demain, bien sûr. Hein. Demain sur Fun Radio, Polo contre le reste du monde, avec grand plaisir pour le retour, nouvelle édition. On va se quitter avec le top Twittos également maintenant. Là, je rappelle que c'est le numéro. J'ai oublié, tiens. Est-ce que j'ai dit un numéro ? Non, t'as pas dit numéro. Non, je veux pas, c'est le numéro alors. Donc voilà, numéro 1 qui gagnera. Donc on va faire le top Twittos. Quels sont les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission ? Numéro 5. Julien. Numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 3. Coussin Doux. Ah, oh, c'est un nouveau ça ? Oui, c'est un nouveau. Ah bah, bienvenue Coussin Doux. Numéro 2. Fabienne. Numéro 1. Trend Lover, il a déjà gagné Trend Lover, c'est Ayoub. Je ne crois pas. Je crois, ouais, très bien. Eh ben bravo, tu repars avec le sextoy offert par... Passage du Désir.fr. Voilà, à la bonne heure. Et puis on va se quitter maintenant avec le générique comme chaque soir, ouais. Bien entendu. Attention, le générique, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment que je t'encule dans le bas. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton nom, t'es un enculé. Car t'aimes déjà des enculés, bien ta journée. C'est possible de chaque fois oublier les paroles. Ah bah oui, c'est dingue ça quand même. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. T'as compris, plus de pute. Enculé de ta mère. Espèce de petit pili de merde, va. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Allez, attention. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton nom c'est un enculé. Oui, tous les deux. On est des enculés comme JB. Suce ma bite. Eh ben voilà, allez. Eh ben elle était parfaite là celle-là, hein. Ah, elle est magnifique, elle est passée crème. Elle est passée totalement crème, exactement. Passez une bonne nuit en tout cas. Merci d'avoir été présent sur Fun Radio comme chaque soir. Merci d'avoir été de plus en plus nombreux. Merci à tous les tweetos, à également à tous ceux qui étaient connectés sur le Facebook. Il y avait Denis notamment qui était sur le Twitter. Il y avait Jean-Luc, GTR également qui était dessus. Il y avait Sébastien. Il y avait Oubedoula. C'est ça. C'est il y avait Mickaël de Limite qui était là également, bah, content d'être là aussi d'ailleurs. Fabienne. Content d'être dans ton émission. Trend Lover, oui, bah oui. Laetitia 78, etc., etc. Merci. Comme d'habitude, passez le message autour de vous. On sera de retour demain pour une nouvelle édition à partir de 23h et pour la dernière de la semaine. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les polars. No Limite. Sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB. Salut. Les qui va débarquer. Dans la radio. Alors ce soir vous pariez des Lego. Attends, c'est quoi? Regarde, hop, il y a un. Non disque. Je lui ai tué sa vanne et c'est parfait. Voilà, je lui ai tué sa vanne et c'est parfait. C'est JB, l'animateur le moins drôle de la bande FM jusqu'à 6h. 23h et c'est Will.i.am maintenant, allez hop là. Bah c'était mieux comme ça.